Viens la recevoir. Eh ben, c'est super sympa. On te l'envoie à la maison, Alexandre, on t'embrasse bien fort. Mais quand même, ce serait un peu rigolo à faire. Ouais. Mais oui, il faut qu'on le fasse une fois. Mais c'est affreux, les gars, si. L'ascenseur émotionnel. Vous n'avez pas compte. S'il la veut et tu raccroches. Ouais. Mais du coup, vous pensez pas qu'une enceinte peut être enceinte? Mais vraiment, cette vanne, vraiment, elle, tu vas finir l'année 2018 non. là-dessus. Ouais, il est temps d'aller en 2019, je crois. Ah ouais, va me. Non, m'a saoulé. Hein. Moi, je vous propose de continuer à vous inscrire 01 42 48 5000 pour le pack YouTube. Comme ça, on vous laisse encore plein de chance et on l'offre dans un instant. Ok. Petite chanson de Noël en attendant. Ah okay. Ouais, grave, on se la refait. Et il y a le clip dispo partout sur Facebook, sur Twitter. Allez-y. Et dites-nous là, vos ratés de cadeaux de Noël aussi. On va partager pendant toutes les vacances avec vous. Dans un instant, vous allez retrouver toute l'équipe de Love in Fun et nous avons une révélation. Marion a une paparazade, une révélation à faire. Ah ouais, sur un membre de l'équipe de Love in Fun, vous allez voir ça, c'est ouf. Restez là, sur l'air de Michael Jackson, la chanson du Père Noël. Bye. The Night Show Forever. Cher Père Noël, merci pour l'an dernier. Mon cadeau était stylé. Système karaoké qui a l'air de bien marcher, mais je peux pas l'utiliser, je suis muet. L'année d'après, t'as voulu te rattraper, grosse surprise dans mes paquets. Du sucre alors que je suis diabétique, des rollers alors que je suis unijambée. Ah, ça fait plaisir. De finir en chanson. Non mais stop, ça va, carnage. Ah, mais non, mais ça nous emballe. Bah oui, je comprends bien que ça vous emballe. Gardez votre énergie puisque là ça y est, nous allons appeler le grand gagnant du pack YouTube. Pour commencer sur YouTube, il y a tout le matos qu'il faut. C'est hyper cool, en plus ça vaut quand même un peu d'argent ça. Alors ça vaut pratiquement 200€. Ouais. C'est le pack Avermedia et qui est le fournisseur officiel de Cyprien, Norman, tout ça. Tout ce qu'il y a dedans, c'est hyper pratique pour vous filmer, pour enregistrer du son et tout ça. Après, vous êtes obligé de faire aussi bien que Cyprien et compagnie. Ouais, c'est ça. Non, pression, pression. C'est challenge, hein. Oh, c'est le challenge. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, allô? Oh, ben. Allô? Oui, allô? Oui, et c'est quoi le petit prénom? C'est Mathias. Mathias, bonsoir, est-ce que tu sais qui t'appelle? Oui. Ah, bah c'est qui? C'est Marion Anto. Ouais, allez. dis notre nom là. T'as quel âge, Mathias? J'ai 12 ans. T'as 12 Amber. Ans. Allez, dis notre nom, tranquille. Est-ce que t'as envie de commencer sur YouTube, de te lancer? T'as une idée de chaîne, tout ça? Ouais. Ah, ce serait quoi ta chaîne, toi alors? J'en ai déjà une avec mon frère, c'est Axret. D'accord, et ça parle de quoi? Sur tout ce que jeux vidéo. D'accord, du gaming, et ben là tu vas vraiment pouvoir te perfectionner puisqu'on t'envoie tout le matos. Et en plus ça a été créé par un joueur gaming, un youtubeur gaming. Ah c'est lourd, franchement c'est un beau cadeau Mathias hein. Oh merci. Ouais. Ah ils sont 50, il y a tous les teintés. Et ben écoute Mathias, on t'embrasse très très fort, on te souhaite de bonnes vacances et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous. Bisous Mathias. Salut Mathias, on t'embrasse. Il est déjà en train de faire la teuf lui. Mais grave. Beaucoup trop content. On va accueillir l'équipe de Love in Fun qui eux aussi hein, vont faire leur dernière émission de l'année 2018. Et il y a une grosse installation là hein. On peut parler des surprises maintenant ou s'il faut garder le secret mais... Non, il n'y a pas de secret. Pas de secret entre nous les filles. On se dit tout, on est sur une préparation de Noël. On va tous se distribuer des cadeaux ce soir. Ah ça c'est vraiment esprit de Noël, c'est tout ce qu'on n'a pas fait nous. Mais on a fait une chanson nous. Ouais. ouais. peut-être nos cadeaux. Ouais. On peut pas venir dans l'équipe Ça va pas leur aller. Alors attendez, on avait une révélation à faire. On avait bien dit qu'on avait une révélation à faire ce soir dans Love in Fun. Nous avions eh bien promis, et ça nous vient finalement d'une paparazzade que Marion a fait. En fait, je suis allée aux toilettes, c'était pas plus tard qu'hier. Et en allant aux toilettes, pour tout vous expliquer, il faut passer dans un bâtiment en face des ascenseurs. Et là, qui je vois cachés, qui se parlaient dans le creux de l'oreille pour que personne n'entende et qui ont été tout gênés en me voyant. Ouais. Méloge du Standard avec Greg, l'animateur Fun Radio. Oh putain, et t'as la photo. J'ai toutes les photos. Alors, ils m'ont vu, ils sont partis, tu vois, en mode c'est pas nous. Et ils étaient archi gênés. Okay, je dis, on se cache pour parler. Et ouais, ils sortaient des toilettes. Toilette fille ou toilette mec ? Toilette fille. Toilette fille. Toilette fille. Sortait pas des chiottes. Devant. Pour moi, ils sortaient des chiottes. Je pense que Méloge a sucé Greg. Tout de suite. C'est hyper pratique avec toi, Karel, que les enquêtes sont vite résolues. Inspecteur Karel. J'adore cette pipe. Oui, c'est la pipe magique. Du défi. Alors, moi, je pense qu'on n'en était pas là. C'était plus encore du. Je pense qu'il y a eu bisous. Non, moi, on appelle Greg. Ah bon ? On a son numéro, ouais, on va l'appeler. Maintenant, là ? Ouais, bah oui, autant l'appeler. Ah, vas-y, vous êtes en vacances, c'est bon, vous avez deux minutes. Ah bah oui, on appelle Greg. Est-ce qu'il va avouer ? Parce que Méloge, elle avoue pas, on est d'accord, elle dit pas. Méloge. Bah Méloge en même temps elle gère l'appel de Greg. Coco, oui, tu peux laisser l'antenne à Méloge s'il te plaît, parce que il est comme bon, ça Coco. Mais ça qui a pas. Alors Méloge, qu'est-ce qui s'est passé avec Greg, parce qu'on va l'appeler là. Bah on attend que Greg soit là. Ah oui. Allez, on appelle. Plus, c'est la dernière. Elle, hein. C'est la dernière journée de stage de Méloge aujourd'hui. C'est enfin. Enfin. Mais non mais. Allô. Greg. Oui. Bonsoir, c'est ta mère. Non, Greg, tu es sur Fun Radio. Il y a toute l'équipe du Night Show, toute l'équipe de Love in Fun. Non. C'est une surprise. Il est trop heureux. Non. Alors, non, Greg. Parce que je vous écoutais dans la voiture et j'ai arrêté d'écouter quand la meuf, elle a accepté la demande en mariage. Et puis Marion, elle faisait comme ça. Oui, c'est la dernière émission de l'année. Il va se passer des trucs dingues. Et vous terminez avec moi. Bah, putain. Ouais, oui, tu sais pourquoi ? Parce que tu as été victime d'une paparazzade de Marion. Je sais. J'ai vu Marion. Non, mais Greg, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé à côté de ces toilettes-là. Est-ce que vous êtes ensemble ? C'est quoi le délire ? Pip. Non, mais moi, Marion, je te cache pas que voilà, je suis un personnage public et tout. Je sais pas si je peux répondre à ce genre de questions. Je pense que c'est... Peut-être demander directement à Mélanie si elle a envie de. Voilà, personne veut le dire, mais... Méloge. Elle va lancer. Alors ? Est-ce que tu l'as sucé, merde ? Je plaide coupable. Oh ! C'est la meuf de Greg qui va être contente. Attendez, excusez-moi. Ah, il est une meuf, Greg ? Ouais. Oh mon cochon ! Et moi, je croyais que j'étais fini avec sa meuf. Ah non, il y a eu un redémarrage. Mais ouais, ah mais pourquoi Greg il dit à tout le monde que c'est fini avec sa meuf ? Parce qu'il a quand même redémarré. Mon Dieu. Greg, tout ce qui se passe à Fun Radio reste en direct sur Fun Radio. Non mais c'est cool. Quand on replay, vous pouvez. Non mais. Ah là là. C'était une connerie, hein, il s'est rien passé du tout. Allez, chute. Qu'on lui coupe son micro. Mais non, c'était juste pour le dernier jour. Je voulais faire croire que j'avais niqué, mais toujours foutre la merde avant de partir. Greg. Entre bien, Greg. Greg, on t'embrasse. On te souhaite bonne fête et bon courage surtout. Bonne chance. Bonne chance. Sympa Noël. Gros bisous. Bisous. Bon ben on vous embrasse. Et une belle enquête. Ouais. Bonnes vacances les chéris. Passez surtout de très bonnes fêtes et on se retrouvera le 6 janvier en direct sur Fun Radio dès 20h. Avec grand plaisir. Et puis toute la semaine prochaine en best-of quoi. Voilà. On confie les clés à Amir et Thibaut, ils vont nous faire ça très bien. Bisous. Bisous. J'en doute. Tous les soirs. Plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. Quelle émission ça va être, hein. Si on commence déjà avec une petite pipe dans les toilettes de Fun Radio par Méloge. Non mais sans déconner, je suis sur le cul, Méloge. Non mais tu l'as fait ou pas ? Mais non, c'était une connerie. C'était pour dire. Ouais. Ah ouais. Un bisou? Okay. Non, rien du tout. Et tu plaides Greg, c'est de quoi, le stéréotype qu'on m'a dit quand tu es arrivé dans les médias, c'est qu'il y avait des gros dragueurs. Et bah, Greg, c'est le gros dragueur des médias. Voilà. Ok. Ah ouais. Et ben, en tout cas, on n'en saura pas plus, les amis, mais je peux vous dire qu'il s'est passé des choses, moi. J'en dis pas plus. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de vous retrouver ce soir en direct sur Fun Radio dans toute la France pour la dernière de Love in Fun avant les vacances. Oui. Ah, les vacances de Noël. Ah, le sapin de Noël. Les guirlandes et surtout les grosses boules de Noël. Et la plage. Et la plage pour Doc. Oui, parce que j'ai posé une question à Doc, les amis. Je lui ai dit, tu pars quand ? Il me dit, demain à 14h, je suis dans l'avion pour Los Angeles. Il perd pas de temps. La vie est belle, Doc. Hein ? Oui. Voilà, donc si vous vous posez des questions, là, en ce moment, vous êtes étudiant, vous êtes peut-être au collège, au lycée. Médecin. Faites médecin. Si vous pouvez même vous spécialiser dans la sexologie. Ah ouais. Hein, c'est pas mal. Hein. On en manque. Donc. Non, ah bah voilà. Ça c'est bon, ça va Doc. Oui, très très bien. T'es bourré un peu ou pas? Non, parce qu'il a picolé Doc juste avant le début de l'émission. On a bien sûr. Ouais. On a fêté le départ de Méloche. Hein, non, c'est vrai. Elle l'a fêté elle-même. Ah, absolument. Et d'ailleurs, on s'est mangé une raclette. Ah, t'étais pas encore arrivé Doc. On s'est bouffé une raclette avec Alice. Ah, j'avais plus une seule patate. Elle a sauté sur. Mais oh, quel gros mytho. Elle a sauté sur les patates. Putain, elle m'oblige pas à raconter la vraie version de cette histoire. Hein. Non. Parce que tu aurais vraiment l'air d'un con radin. Non, mais ça va. Allez, sans déconner, si on peut plus dire la vérité. Vas-y, maintenant, j'ai mangé trois patates. Ah, pendant que toi, t'as fini les restes de tout le monde. Là. Monsieur, je peux finir tes croûtes. Hein. Monsieur, je peux finir tes croûtes. Appelez-moi comme ça toute la soirée. On va dire bonsoir à Kassim aussi. Ça va, Kassim? Très bien, ouais. Ça va? Ouais. Ouais, qu'est-ce que t'as raconté, toi, ce soir? Ouais, on est en vacances à minuit, donc c'est plutôt cool. Alors, c'est ce qu'on a entendu toute la journée, les amis. Oh putain, dans 4 heures, on est en vacances. Ouais. Oh putain, dans 3 heures, on est en vacances. Ah, oh putain. Eh ben ouais, dans 2 heures, on est en vacances. Ah putain. Ça fait plaisir. Hein. Grave. Hein, il y a plus que 2 heures, faut vraiment profiter. Ouais, profitez bien. Et d'ailleurs, je rappelle, vous avez jusqu'à minuit pour donner vos propositions sur l'Instagram de Love in Fun. Hier soir, on vous a posté une photo où voilà, je suis avec Alice, avec Doc, et je suis très surpris en regardant un de mes cadeaux de Noël. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Dites-nous, c'est le premier qui aura la bonne réponse qui gagnera son casque JVC. Je donnerai un petit indice tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, un petit indice. Hein. Un petit indice, ouais. Balance pas tout, hein. Ouais, non, mais en même temps, si je balance un indice, tout le monde va savoir ce que c'est direct. Ah non, tu peux faire un petit indice. Un petit indice, ça tient. Bon, je donnerai l'indice. Je n'ai pas confiance. Non, attends, je donne un indice. Ça tient dans la poche. Voilà. Mais ça se met pas forcément dans la poche. C'est la fille qui contre les indices. Contre indice. Si, si, ça tient dans la poche et ça se met pas forcément dans la poche. Non, ça peut se poser à peu près partout. Et Coco et Méloche, bien sûr, au standard qui décroche et qui vont nous passer Marion, 20 ans de Valenciennes. Bonsoir Marion. Bonsoir toute l'équipe. Bon, bonsoir Marion. Tu le sais, c'est jeudi soir, il y aura du zap de Coco. Mario, tu es une fidèle de l'émission ? Oh bah carrément oui. Zap de Coco ce soir, et puis c'est vrai que c'est une soirée un petit peu particulière pour Méloche qui bah voilà, termine son stage aujourd'hui, c'est sa dernière émission à Love in Fun et franchement bravo Méloche, je te le dis. Merci. Et Marion, je sais pas si t'as été bien accueillie au standard. Bah si, totalement. Ah bah ça ne m'étonne pas, parce que voilà, ça c'est Méloche, c'est Coco, ils sont toujours aux petits soins avec vous. Ouais. Marion, toi tu nous appelles pourquoi ce soir? Eh ben, si tu veux, ça fait 2 mois et demi que je suis plus avec mon ex. Et il a encore les photos de moi, on va dire un peu sexy. Et donc, je voulais lui demander de les supprimer, bah, parce que j'estime qu'il a plus à les avoir dans son ordinateur. Tu veux qu'on supprime les photos de toi qu'il a, c'est ça? Oui. D'accord, mais comment on va faire pour les supprimer? Non, lui, il les supprime. Ah, d'accord. Tu lui as déjà demandé? Oui. Et alors, il dit non? Bah, il dit non. Bah Lyon, j'ai l'impression que quand tu lui demandes un truc, t'y mets pas vraiment beaucoup de cœur. Hein. Parce que là, si tu lui dis, tu peux supprimer les photos, s'il te plaît. Ah mais non. Tu sais quoi, on va pas se cacher, Marion. J'ai l'impression que t'es à poil dans ton lit là, avec le téléphone. Tu sais, la façon dont tu parles et tout, je te jure. Je t'imagine en train de te prélasser comme ça dans ton lit. Attends. Mais non, je demandais d'enlever mes photos. j'ai cette image. Je suis malade. T'es un petit peu malade, d'accord. Alors je t'imagine la goutte au nez, c'est moins sympa. Mais non. Marion, tu les as vues ces photos? Il y a quoi comme photos? Il les prenait quand ces photos? C'était les photos non, que tu lui envoyais? C'est les photos qu'on s'est envoyées, tu vois, par Snapchat, etc. Un petit peu bah, au lait, en sous-vêtements. D'accord. En sous-vêtements. Snapchat, c'est tu regardes la photo et puis elle disparaît, quoi. Oui, non, mais c'était dans le chat et puis il les a enregistrés. C'était mon mec, donc. D'accord. Ah oui, il les enregistrait. Ça, c'est. Je sais pas. Et toi, t'as fait la même chose avec les siennes? Ah bah oui. D'accord. Bon, bah, donc toi, t'as ses photos à lui? Non, moi je les ai supprimées, ça y est. Ah. D'accord. Est-ce qu'il te l'a demandé ou parce que tu l'as fait toute seule? Non, parce que je l'ai fait toute seule. J'estimais que j'avais plus à garder des photos de lui. Et que c'était un bon moyen pour tourner la page, en fait. D'accord. Bon, alors, tu veux qu'on l'appelle pour lui en parler, c'est ça? Oui, voilà. Ok, bah si tu veux, on fait ça dans 3 minutes, d'accord? Ça roule. Eh, je suis persuadé qu'il les a gardés et qu'il va nous faire croire qu'il les a plus. Qu'il les a plus, ou alors faut lui mettre un faux coup de pression, tu vois. Genre on peut porter plainte, les flics vont débarquer chez toi, fouiller dans ton ordinateur et tout. Faut lui faire flipper, quoi. Bien sûr. Ben je suis un peu loin, pardon. Je suis en lien avec le commissaire Carello. Ah super. Bien sûr, on va lui passer un petit coup de téléphone. Restez bien avec nous. What the fuck. Gel sur Fun Radio. What the fuck, c'est dans 3 minutes. À tout de suite, les amis. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Fun. Jusqu'au 24 décembre, Fun Radio vous ouvre une cage de son calendrier de l'Avent. Tous les jours, inscrivez-vous en envoyant le mot Noël par SMS au 74 900 pour tenter de gagner des PS4, des séjours à Avoria 1800 pour le réveillon, des Nintendo Switch et plein d'autres surprises. C'est gagné, bravo! C'est déjà Noël. Merry Christmas! Avec le calendrier de l'Avent Fun Radio. Salut, c'est Bruno sur Fun Radio. Vous êtes prêts pour les fêtes de fin d'année? Les cadeaux, c'est fait, les teufs avec les potes sont calés et bien sûr, vous avez votre Sam. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. Et à partir du 7 janvier, je paye les factures de Sam tous les matins à 8h10. Alors envoyez-moi vos factures d'essence, de taxi, vos billets de train ou même votre nuit d'hôtel à facture@funradio.fr. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50 Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50 Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50 Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients, engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club au Press Club à Moulins dans l'Allier. Salut tout le monde, c'est Adrien Thomas, je vous retrouve près de chez vous pour une énorme soirée Party Fun Club. Samedi soir, Party Fun Club by Adrien Thomas au Press Club à Moulins dans l'Allier. C'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Découvrez la puissance des nouvelles enceintes portables Ultimate Earthboom 3 et Megaboom 3. Ultra résistantes et ultra puissantes, les nouvelles enceintes sans fil Ultimate Earthboom 3 et Megaboom 3 offrent un son à 360 degrés incroyablement pur avec des basses riches et profondes. Étanches et résistantes au choc, emportez votre musique partout avec vous. Et avec le nouveau Magic Button, vous pouvez désormais lire, mettre en pause et passer des morceaux directement sur l'enceinte. Ultimate Earthboom 3 et Megaboom 3, disponibles dès maintenant chez Fnac et chez Darty. Restez connectés avec la famille Fun Radio. You happy now? Et on fête Noël ce soir en direct sur Fun Radio. Alors attention, parce que vous le savez, on a tous tiré au sort des prénoms de chacun des... C'est quoi cette musique? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que c'est Kassim qui ce soir a décidé de faire une contre-soirée. Les chansons les plus ringardes de Noël. Ah oui. Ouais, non mais Kassim. C'est Noël et on le fête ce soir sur Fun Radio. Alors on va se distribuer des cadeaux. Et alors je crois que Doc a tiré au sort... Jérôme. Jérôme, c'est... le producteur, celui qui fait tous les jingles de l'émission, tout ce que vous entendez, les promos que vous entendez pendant la journée sur Fun Radio. Ça va Jérôme? Ça. On va allumer ton micro Jérôme. On a quelqu'un qui débute à l'arrêt ce soir. Vous nous entendez Jérôme? Alors moi je vous entends très bien. Et vous, m'entendez-vous? On t'entend Jérôme, mais sinon il y a un micro juste là à côté, voilà. De toi. Tu peux t'installer. Alors Doc, est-ce que tu peux donner ton cadeau à Jérôme, que voilà, qu'on l'ouvre en direct bien sûr. Bah tiens, il est juste à côté. Là-bas. Prends le cadeau. Alors, derrière le sac. Oh là là, mais Doc, ça fait 5 minutes que tu sais que tu dois l'offrir. Tu pouvais pas le prendre en main. Oh là là, ce Doc, hein, sans déconner. Alors, je ne connais pas le rituel. Marion est avec nous. Marion, on ouvre les cadeaux. Je te conseille de te connecter sur le site de funfunradio.fr. Vous pouvez voir l'émission en streaming. C'est parti, Jérôme, ouvre ton cadeau en direct. Alors, c'est un cadeau d'un médecin, donc forcément, à mon avis, Doc, il a mis le budget alors qu'on avait dit. Un pied. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Ouvre. Alors c'est, ça a l'air d'être une boîte, une boîte à... Une boîte à chaussures. Une boîte à chaussures, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussures chouette, avec des doigts de pied. Alors, c'est ça. J'ai des chaussettes doigts de pied, c'est très rigolo. Et alors du coup... Attends, faut que je les essaye. Mais attends, explique-nous, qu'est-ce que c'est comme cadeau? Alors, ça s'appelle des Five Fingers, puisqu'il y a cinq doigts. C'est les nouvelles paires de... T'étais pas au courant. T'en as six. C'est la nouvelle génération de baskets, mais ça existe aussi en chaussures de randonnée pour courir, qui sont totalement fines pour se mouler sur le corps et avoir beaucoup plus de sensations. Génial ce truc. Alors ça nécessite un certain temps d'adaptation par rapport à des baskets. Il faut que le corps s'y fasse. Alors ça a l'air genre super confortable, mais ça a l'air genre d'être super dur à porter, je veux dire, au quotidien. On a l'impression que t'as des, tu sais, les trucs de plongeur là, les combinaisons. Oui, c'est à peu près ça. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut 1h30 pour mettre une godasse. Par contre, c'est chouette. Faut-il faire. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Non, si c'est bien, t'es super à l'aise dedans. Mais alors attends, parce que le problème, c'est que j'ai... Il a l'air d'avoir... Pour un enlever les chaussettes, hein, c'est oui, sans chaussettes. Ouais. Ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Alors, on va vous prendre une petite photo parce que... Ah bah oui, photo. Alors, donc, c'est une surprise, Doc. Bah oui. Et moi je trouve ça génial d'avoir pensé à offrir quelque chose comme ça. Pourquoi ça serait pas une surprise? Non, c'est pas lui qui l'a demandé. Ah, c'est fort. Attends, c'est fort. Non, mais voilà. Non, mais je trouve ça hyper original pour le coup. Voilà. C'est les chaussures qu'on portera tous dans 20 ans, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça c'est fort. Et ben profite bien de ce cadeau, Jérôme. On prend des petites photos et vous allez voir tout ça sur l'Instagram de Love in Fun. Allume ton micro. Le doigt de pied. Oh, voilà, c'est ça. C'est vraiment agréable. C'est agréable et on va tous l'essayer, je pense. Hein, et vraiment, ça fait plaisir. Non. Si c'est pour avoir les mycoses de tout le monde, merci. Bon, bah, garde-les bien au chaud. On va retrouver tout de suite Marion. Marion qui est en panique totale. Il y a son mec qui a gardé les photos dossiers, hein, les photos qu'on peut envoyer quand on est toute nue. Hein, et voilà, qu'on veut faire plaisir à sa chérie. On fait des petits nudes. Et Marion, je crois que ton ex, David, on a une sacrée collection. Hein. Tu dirais qu'il en a combien des photos de toi entièrement nue ou un petit peu dénudée, en nuisette, tout ça? Bon, je dirais peut-être 20 ou 30. Ah, quand même. Donc là, ces photos-là, tu veux plus qu'elles existent, en tout cas, tu veux qu'il les efface. Toi, t'en as eu de ton côté et tu les as effacées. Après, on peut toujours se poser la question, est-ce que quand on n'est plus avec la personne, les photos qu'on avait prises sont toujours à nous ou pas? Moi, je suis assez d'accord, pour le coup, avec Alice. Dans le sens où t'es plus avec la personne, pourquoi t'as encore des photos d'elle à poil, quoi. C'est aussi des photos souvenirs quelque part d'une histoire. Mais genre, enfin, moi je sais qu'en tant que femme, hein, le dire comme ça, j'aimerais pas que mes ex puissent encore, je sais pas, voir mes seins, voir mon corps et tout, tu vois. Si tu faisais des photos avec un appareil, un vrai appareil, et des anciennes photos imprimées, etc., est-ce que ça serait la même chose? Tu demandes. Mais on n'est pas sur des photos artistiques, c'est pas sur un book de lingerie, quoi. Là, on est sur des photos qu'on avait fait parce qu'on avait une intention bien particulière à ce moment-là, qui était d'exciter ce mec-là. Sauf que quand c'est terminé, ce mec-là, on n'a plus envie de l'exciter, quoi. Donc ça devient malsain. Ah, carrément, moi je suis d'accord. On va appeler David, d'accord? Il a 22 ans, c'est ton ex, et on va en parler avec lui. C'est parti. Compose son numéro. Allô? Allô? Ouais. Oui, c'est Marion. Ouais, Marion, ouais. Ouais, dis-moi, je t'appelle parce que, tu sais, on avait déjà parlé l'autre jour et je sais pas, tu m'avais pas relancé, tu sais, par rapport aux photos. Ouais. Et du coup, j'en ai parlé avec des copains, des copines, etc. Et ils sont du même avis que moi pour dire que t'as plus à les avoir. Donc j'aurais voulu encore insister sur le fait que tu les supprimes. D'accord. Et donc, je t'appelle, ok, c'est peut-être pas l'heure de t'appeler, ni moment, ni voilà. Mais du coup, je viens de rentrer à la maison et du coup, je me disais qu'il fallait que je t'appelle pour te le dire parce que j'avais pas envie d'attendre demain ou après-demain. D'accord. Et voilà. C'est si important pour toi, là? Bah oui, parce que ça fait quand même 2 mois et demi qu'on n'est plus ensemble. Moi, j'ai pas spécialement envie que tu continues à être excitée par le fait de voir mes photos. Et notamment parce que c'est à moi, quoi. C'est privé. Moi, j'ai supprimé les tiennes, donc je crois que tu peux supprimer les miennes, en fait. Je t'ai pas demandé de supprimer les miennes. Si je veux garder tes photos, je les garde. Et, voilà, mais non, parce que les photos, elles avaient pour but un instant T de t'exciter, de te faire plaisir, etc. Sauf qu'aujourd'hui, l'instant T, il est mort et que on n'est plus ensemble, quoi. Donc, le fait que tu puisses me voir, que ce soit une partie de mon corps ou moi totalement nue, ça me pose un peu souci, quoi, sachant que c'est plus le cas, en fait. D'accord, oui. Mais, j'ai encore les photos, mais... Puis même moi, je crois que tu les supprimes. Ça m'excite encore, il faut que tu comprennes, David, qu'on n'est plus ensemble depuis 2 mois et demi, et qu'au bout d'un moment, il faut tourner la page. Faut bien que tu justifies ça devant ta nouvelle copine. Tu fais comment pour justifier ça? De quoi, ma nouvelle copine? Mais t'as une copine à Rennes, je vous ai vu l'autre jour en centre-ville. Tu lui tenais la main, vous étiez tout proche, etc. Donc ne dis pas le contraire. Et alors? Bah oui, bah même si on s'est quitté entre guillemets de bons termes, enfin maintenant c'est plus moi qui devrais t'exciter justement, c'est plutôt ta copine qui devrait. Ouais, même 2 mois et demi après, tu m'excites toujours et je veux garder ces photos là quoi. Mais non, t'as pas à les garder. Faut que tu comprennes que du coup c'est des photos privées. Et même si je te dis supprimer en fait que non, tu vérifies comment? Bah, j'ai pas compris, excuse-moi, répète. Si je te dis que j'ai supprimé alors que non, et tu vas venir vérifier comment je sais pas, mais après je pars sur un principe de confiance. Je te fais confiance dans le sens où je sais que tu vas les garder pour toi et tu vas pas les diffuser, ça y a pas de souci, mais je veux dire. C'est très bien comment je suis, ouais. Je peux pas accepter le fait que tu te touches encore sur mes photos ou que justement mes photos provoquent chez toi certaines réactions et font que. Mais au contraire, tu devrais être contente non, que je me touche peut-être ben non, dans tes photos. Justement, David, parce que moi, j'aimerais bien penser à reconstruire ma vie de mon côté et de me dire que mon ex, il pense encore à moi, qu'il se touche encore sur mes photos, bah, ça me gêne un peu, quoi. Enfin. Il pense pas. Ben bonsoir, non, bonsoir David, bonsoir Marion, bonsoir à tous les deux. Bonsoir David, ça va ? Bonsoir. Salut David. Alors, c'est intéressant. Franchement, je trouve que le débat, il est hyper intéressant parce que, à mon avis, ça doit parler à beaucoup de personnes qui ont déjà envoyé des photos et des personnes qui envoient des photos, c'est vous presque tout le monde. Alors, t'es en direct sur Fun Radio, David, d'accord ? C'est dans Love in Fun, une émission qu'on fait en direct tous les soirs entre 22h et minuit. Moi, je m'appelle Karel. Il y a un médecin qui est là. Bonsoir. Il est sexologue, c'est Doc. Et puis Alice aussi qui est là. Et Marion nous a appelé dans l'émission pour nous raconter la situation, pour nous dire voilà mon ex et tout, ben oui il a des photos de moi à poil, j'aimerais bien qu'il les efface et tout. Et c'est vrai David que moi je t'écoutais parler et tout machin. Et franchement moi Marion je la trouve, assez touchante aussi dans ce qu'elle te demande. Et très sympa parce que toi qui lui dis en plus bon je me branle et tout c'est pas grave tu vois. Bah oui. Un peu quand même. Un peu David, c'est-à-dire que tu n'es plus avec Marion, tu vois. Et ça t'empêche pas, et c'est aussi cool parce que je veux dire il y a pas que les photos, il y a aussi tout ce qu'on a vécu. Elle t'excite toujours, ouais, mais t'as pas à te branler sur des photos. Enfin, voilà. C'est plus ta copine, quoi, tu vois. T'as pas le droit de la toucher. C'est pas parce que c'était ton ex que ça a été ta propriété pendant un temps, quoi, tu vois. Même sur des sites de cul, voilà. Alors que c'est pas. Oui, mais c'est pas elle. Oui, tu sais qu'elle peut porter plainte pour toi, par rapport à toi, vis-à-vis de ça. T'as pas le droit d'être en possession de ce genre de photos, alors que elle ne le veut pas. Tu vois, tu peux pas avoir ça sur ton ordi. À mes donner, c'est à mes envoyer, c'est son plein gré. Donc à l'époque. À l'époque. David, il y a une chose qui est importante. T'as l'air d'un garçon respectueux, c'est ce que tu lui as dit. Tu sais très bien que je vais rien en faire. On est d'accord, c'est très bien. Mais là, il y a quelque chose, c'est qu'elle demande, elle, et elle exige que tu les supprimes. Donc, rien que pour la respecter, tu dois le faire. Parce qu'elle te le demande. Elle a besoin d'un docteur et d'un... Bah, écoute, peu importe. Mais c'est pas la question, David. La question, c'est que elle te l'a déjà demandé, t'as déjà dit non. Même si je les ai supprimés ou je les garde. Mais, ouais, et David, alors, sérieux. Par respect pour elle. Juste là, entre nous, là, David, c'est-à-dire que toi, t'es encore en train de regarder ses photos, en train de te branler, tout. Mais vas-y, tu la kiffes trop, tu sais. T'es même plus avec elle, je veux dire. Tu la kiffes de ouf. Je sais pas, t'es un peu chelou, non? Non? Je sais pas. On est resté quand même 2 ans ensemble, donc oui, c'est pas... Ouais, non, mais je veux dire, je garde des souvenirs. Mais c'est pas des souvenirs, c'est malsain. Est-ce que tu as des sentiments pour ta nouvelle meuf? Oui, j'ai des sentiments. Et si son ex était en train de se branler sur des photos d'elle, tu réagirais comment? Ça te ferait chier? Bah, je le sais pas. Donc, ouais, mais si là, je te disais, bah écoute, l'ex de ta copine a des photos d'elle à poil et il se branle encore dessus. Est-ce que tu te dirais pas, bah maintenant, c'est ma copine, je suis le seul à pouvoir la voir nue maintenant et j'ai pas envie que lui puisse se branler sur elle. Est-ce que là, tu cernes mieux la notion de respect? Non, c'est sûr, mais je... Bah, c'est sûr. Donc, c'est exactement la situation là. Fait, donc, Tu respectes ni ton ex, ni ta nouvelle copine quand tu fais ça. Parce que si ta copine la prenait, elle le prendrait comment? Tu vois, tu respectes personne. Ça regarde que moi, quoi. Mais non, ça regarde pas que toi. Il y a quand même quelque chose aussi pour pouvoir t'investir dans ta nouvelle histoire avec ta nouvelle copine. Il faut quand même arrêter de te branler sur l'ancienne. Je veux dire, t'en as une nouvelle. Investis là aussi de tout l'érotisme nécessaire. Tu n'as pas besoin d'aller regarder ton ancienne copine. Si tu veux, t'as des films porno, il y a plein de sites. Enfin, tu fais ce que tu veux. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Imagine tout ce que tu veux dans ta tête. C'est pas le problème. Mais là, je me branle encore. Bah, je me branle sur les deux. Non mais alors coup, justement, bah, ne te branle que sur la nouvelle. Non mais franchement, David, enfin je veux dire, on va pas être hypocrite, on a tous, ou pas d'ailleurs, mais il y en a plein qui ont vécu ça, d'avoir un semblant de relation, voilà, d'avoir eu des photos, ou même une longue relation, et puis la relation se termine, et bah de temps en temps il va t'arriver comme ça, mais ça dure quoi? Ça dure une semaine, deux semaines, et puis après, enfin je veux dire, tu te fais plus de mal qu'autre chose, quoi. Est-ce que là t'es en train de te masturber sur quelqu'un qui veut plus de toi, mon gars? Mais grave. Ah oui, mais moi ça me fait rien, ça m'atteint pas. Oui, mais elle, ça l'atteint. T'as dit que t'avais du respect pour elle, t'es hyper égoïste à ce point-là. Bah non, là tu n'as aucun respect pour elle. Oui, mais c'est ton plaisir, tu n'as aucun respect pour elle, alors que là justement elle te le demande gentiment depuis tout à l'heure. Tu dis je la respecte, mais c'est ce qu'elle te demande. Et tu dis ça regarde que moi, mais la preuve que non, puisqu'elle est au courant que tu les as ces photos. T'aurais très bien pu faire le mec et dire oui, j'ai plus tes photos et les avoir encore, mais tu lui as dit. Donc ça regarde pas que toi. Bah je cache pas, elle le sait très bien. Oui, donc elle. Elle le sait, elle veut que ça s'arrête, voilà. Donc par respect, puisque tu dis la respecter, tu dois le faire, et puis en plus, elle, ça lui permet aussi à elle d'avancer, tandis que là, comme elle le dit avec raison, c'est-à-dire que si elle veut avancer dans sa vie, elle a besoin de pouvoir tourner la page et de savoir que tu ne t'excites plus dessus. C'est comme ça, c'est son parcours, il faut que tu le respectes aussi, et je pense d'ailleurs que ce serait mieux pour toi aussi, pour avancer dans ton histoire que tu as maintenant avec une nouvelle copine. T'as tout à ta disposition avec plein d'inconnus, fais-le autant que tu veux, mais pas avec celle-là. Tu vas perdre son respect à elle quand tu fais ça. Elle te respectera. Je comprends très bien, ouais, je comprends très bien, mais c'est mon plaisir. Très bien. Alors, David, dans ces cas-là, si jamais, et on va s'arrêter là-dessus, si jamais tu ne veux pas effacer ces photos, effectivement, Marion, bien évidemment, parce que c'est son image, a le droit également d'aller à la gendarmerie, poser une main courante, et pour commencer une procédure qui te coûtera rien du tout, Marion. Hein, mais ça va se faire que David, il va devoir, à un moment donné, aller à la gendarmerie parce qu'il va être convoqué, va devoir s'expliquer là-dessus. Et David, c'est normal, je veux dire, ce sont des photos qui ne t'appartiennent pas, parce qu'il n'y a pas ta gueule sur la photo, mon gars. Dis-le à sa meuf, Marion. Doute, ouais. Voilà. Écoute, c'est dit. Son respect pour elle, j'ai supprimé les photos. Ok. Très bien. Et bah voilà, fallait commencer par là. Voilà. Merci pour elle. Les photos, merci, David. Elle sait comment je suis et il n'y a pas de souci. Et je sais que tu le feras, David. Salut, David. Salut merci. À vous. Merci, salut. Merci David. Et on va te repasser David en antenne, Marion, d'accord ? D'accord, ça marche. Donc là, on a un accord de principe. Hein. Ouais. Mais c'est cool, merci. Va falloir vérifier. Mais bien sûr, en plus, tu l'as vu avec sa meuf. Tu connais sa meuf, tu peux toujours t'en servir. Bah oui. C'est ah ouais. Bah non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, ouais. Parce que elle va les supprimer. Ça, ça c'est mythique. Oui, c'est vrai ça. Et David, il est toujours là, mais elle connaît ta copine, David. Elle l'a vu. Hein. Eh bah ouais. Ah ça fallait commencer par là aussi. J'avais pas compris ça. Ah bah voilà. Bon bah ça, c'est une affaire qui va vite s'arranger à mon avis. Gros bisous Marion. Tu nous tiens au courant, t'hésites pas, d'accord? Il y a pas de souci. Gros bisous tout le monde. Salut Marion. Distribution des cadeaux de Noël. Ce soir, on fait un nouveau cadeau maintenant. Après, on me dit après. Dans un instant, qui va distribuer qui à qui? Ça va être quoi, Kassim? Jérôme, à toi. Oh, ouais. J'ai avoir mon cadeau. Ah, j'adore. Pardon. Voici Big Flo et Oli sur Fun Radio avec plus tard. On est en direct, c'est Fun Radio, c'est Love in Fun jusqu'à minuit. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé changé, pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard. Flo et Oli sur Fun Radio. De 22h à minuit, in. Appelez Karel, Alice et Doc. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio pour nous appeler toute la soirée. 01 42 48 5000. C'est la dernière émission de Love in Fun avant les vacances de Noël. Mais attention! La semaine prochaine, nous serons en best-of Noël Love in Fun. Tu prends ta voix à chaque fois qu'il y a Maria Carré. Bah oui, non, mais parce que Maria, quoi. Ah oui. Donnez The Christmas Tree. Alors, voici, je le rappelle, ce soir, la distribution des cadeaux de Noël. Et c'est donc Jérôme de la prod, qui a reçu ses chaussures de plongée de Doc, qui va offrir un cadeau en direct. Et d'ailleurs, je tenais à re-remercier Doc et mes pieds aussi te remercient. Voilà. Non, mais okay. Doc, il a offert, avec alors plaisir. Pour ceux qui n'étaient pas là, Doc, il a offert des chaussures, voilà, qu'on portera qui tous. Qui moule les orteils. Qu'on portera à tous dans 20 ans, quoi. C'est les chaussures du futur. On doit être trop bien là-dedans. Mais franchement, c'est top. Ouais, c'est top. J'ai envie de marcher sur les murs. Tu sais quoi, Doc m'a donné le prix, tu m'étonnes que c'est top. Hein. J'aime autant te dire, Doc, il va partir à Los Angeles, mais il pourra rien acheter là-bas. Hein, ça, c'est sûr. Alors, petit cadeau. Petit cadeau pour Karen. Ah, bah super, fallait pas. Merci. Waouh, déjà, le paquet et tout est vachement bien fait. Hein. J'ouvre. Allez, j'ouvre. Allez, allez. Ah, c'est une PlayStation. Ah non. Qu'est-ce que... Putain. Oh là là. Ça me fait plaisir. Ah. Tu sais quoi, ça me fait plaisir. Alors, j'ai en plus l'impression que ça donne un nouvel indice. Oh merde. Non, je peux pas le dire. Ah, alors, bah non. C'est un... Ah, non, du coup, je peux plus dire le cadeau. Ah, si. Bah quoi? C'est un chargeur. Voilà, j'en dis pas plus. Attends, faut que j'ouvre. Mais de quoi? Un indice à quoi? Un indice à rien. Un indice à rien. Excusez-moi, c'est toujours ce moment un peu... Bah, t'as quoi comme cadeau là, putain, tu un le chargeur. Vois là. C'est un chargeur, regarde. C'est marqué chargeur. Ah, mais c'est une batterie externe. C'est une batterie externe. Oh là là, mais le mec ne sait même pas s'exprimer. Il y a marqué chargeur. Et alors, il a une particularité, Jérôme, ce chargeur. Ah bon? C'est qu'il est en bois. Ah oui, oui, si, oui, oui. Enfin, il est en bois. C'est un habillage boisé en ronces en ronces de noyer. batterie externe. Merci beaucoup, mon Jérôme. Franchement, voilà. J'en avais besoin en plus. Oui, on m'a dit. Ça va vous donner un indice pour la photo sur Instagram de Love in Fun. Voilà. Ah oui. C'est ça l'indice. C'est vrai. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme. Et on va accueillir Anaïs, 17 ans de Troyes. Bonsoir, Anaïs. Salut, Karel. Salut, Alice. Salut, Doc. Salut. Salut Anaïs. Alors toi, tu nous appelles pour poser une petite question, je crois. Hein. C'est ça, ouais. Et déjà, est-ce que je peux avoir le droit à un cadeau, moi aussi, ou pas? Alors, tu veux quoi? Vas-y, c'est la fête ce soir. Un nouveau téléphone, peut-être. Un nouveau quoi? Téléphone. Je l'entends pas quand elle parle. C'est bizarre. Tu as dit quoi? Un pack Love in Fun. Oui, tu auras ton pack Love in Fun, bien sûr. Pas de problème. Alors, Anaïs, quelle est ta question? En fait, il y a quelques jours, mon mec, en fait, il m'a grave chauffé. On allait coucher ensemble, il a mis les doigts, tout ça. Mais je me suis souvenue au dernier moment que j'avais un tampon. Donc du coup, j'étais super gênée. Du coup, je l'ai dû t'enlever. Et en fait, ma question, c'est est-ce qu'on peut quand même faire l'amour si on a un tampon ou pas, en fait? Est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est pas recommandé du tout. D'abord, il n'y a pas la place, normalement. Donc, tu ne peux pas mettre les deux. Il ne peut pas y avoir un sexe d'homme et un tampon à la fois. Alors, il y a d'autres méthodes. Il y a des cups qui peuvent fonctionner. Il ne faut pas qu'elles soient trop grandes non plus. Et sinon, il y a même le flex, qui est un disque qui se met plutôt au fond du vagin, qui peut absorber énormément et qui, lui, ne gêne absolument pas. Pour le coup, on ne le sent pas du tout. Mais en tout cas, pas les tampons classiques. Ok. Voilà. Du coup, j'étais super gênée sur le moment. J'ai des vitres retirées. Je savais plus quoi faire. T'as bien fait. Parce que sinon, ça pousse trop loin. Hein, son sexe pourrait pousser ton tampon plus loin dans le vagin. Ah ouais? C'est pas recommandé du tout. C'est vraiment pas à faire. Après, tu perds ton tampon. Ah oui, donc j'ai bien fait finalement. Ah oui, t'as très bien fait de l'enlever. Oui. Alice, t'as déjà fait l'amour et tu t'es. Oh merde, j'ai oublié d'enlever mon tampon. J'ai déjà fait l'amour. Un début d'amour, entre guillemets, avec le tampon, quoi. Et genre sans il s'est rien passé, j'avais la ficelle quand même qui dépassait encore quoi. Ah ouais putain. Et après je l'ai enlevé. Mais par contre avec la cup, moi je sais que la cup justement c'est ce que disait Doc avec la cup menstruelle, pour le coup ça prend quand même vachement plus de place que le tampon. Il faut expliquer ce que c'est hein, parce qu'il y en a plein qui savent pas. C'est-à-dire c'est comme une petite cup en silicone, c'est ce que imagine une coupette de champagne. Une petite cup en silicone, voilà, tout d'accord. Simplement et qui recueille le liquide. Oui, quand tu disais coupe de champagne, c'est ça. Ça ressemble à la coupe de champagne, mais sans le pied. Voilà, et qu'on se met dans la foufina. Ça va faire une sorte de ventouse qui va vraiment faire en sorte que ça se colle bien aux parois pour que le sang ne puisse pas couler sur le côté. Et ça va être un réservoir pour les règles, quoi. D'accord. Mais bon, faire l'amour avec ça, c'est chaud, quoi. Parce que d'une, à mon avis, le gland de la personne se défonce contre le bout de la cup. Ah ouais, parce que ça fait quand même super mal. Et puis en plus, quand la personne va forcé dans la cup, pouf, il y a tout qui va se vider. Le coulis. Il y a des témoignages de femmes qui disent qu'effectivement, elles l'ont quand même fait. Et que ça s'est pas trop mal passé. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a la Flex. Je sais pas de quelle manière c'est bien commercialisé en France, un truc qui existe aux États-Unis, mais qui normalement est aussi commercialisé en France, qui s'appelle Flex, et qui, lui, est un petit disque qui se met tout au fond du vagin et qui recueille le sang. Et du coup, celui-là, ça ne gêne pas du tout puisqu'il a été fait exprès pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec. Bon, voilà, Anaïs, plein de bons conseils. Et tu sais maintenant un petit peu où tu te situes avec l'amour et le tampon. D'accord? Ouais, merci beaucoup. On enlève son tampon. Merci beaucoup. À bientôt, Anaïs. Salut. Gros bisous. Alice, dans un instant, on va parler de quoi? On a reçu un message, en fait. C'est Agathe. Son mec veut toujours faire l'amour le matin, sauf qu'elle déteste ça. Donc, on lance un débat. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour vous pour faire l'amour? Team matin, team soir, venez réagir. Ah, moi, je suis team tout le temps. team quand c'est possible. Mais il y a des moments où c'est chiant, et le matin et le soir. Non, mais le matin, dodo, voilà. C'est la laine. L'après-midi. La sieste. À toi, Doc, tu fais l'amour l'après-midi, toi. La sieste crapuleuse. Il y en a qui bossent l'après-midi. 01 42 48 5000. Pendant que nous travaillons et préparons l'émission, Doc fait l'amour. C'est une info Fun Radio. Et il le fait avec, on me dit, sa voisine. Restez avec nous, Lucas and Steve, dans un instant. À tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook. La page Love Fun. Et votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Cette semaine, à 8h10, Bruno paye vos factures avec WizUp, la nouvelle application de quiz en direct. Allô ? Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio ! Envoyez vos factures à facture@funradio.fr. Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Avec l'application WizUp, dites Wiz au nouveau quiz. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente Mala en concert. Every time I come around your city. Mala de retour en France pour son illégal tour en février 2019. Le 7 à Lille. Le 8 à Lyon. Le 9 à Nantes. Le 14 à Paris. Le 15 à Strasbourg. Et le 16 à Toulouse. My conversation is cash money. Infos et réservations, point de vente habituel. Mala en concert avec Fun Radio. Le son Dance Floor. 22h à minuit. 0142 48 5000. Avec Karel, Alice et Doc. Love and Fun. Sur Fun Radio. I'm gonna search for you all night long. Screaming I wanna know where you've gone. Ain't gonna stop cause the love's too strong. Where do you hide? Let me know where you've gone. Where have you gone? Let me know, I wanna know where you've gone. I'm gonna search for you. Lucas and Steve sur Fun Radio. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Ce soir, en fait, Noël, c'est le Noël de l'équipe et on vous en fait profiter. Ah oui, nous nous offrons tous ce soir des cadeaux de Noël et pour l'instant, Doc gâté, franchement, avec un beau cadeau, les chaussures du prochain millénaire. Chaussures du futur. Les chaussures du futur offertes à Jérôme. Moi, j'ai eu une batterie externe qui est plutôt cool. Je suis toujours en rade. Ouais, c'est clair. Ah, c'est vrai. Et là, moi, j'ai tiré le petit papier et sur mon petit papier, il y avait marqué. Cassim, alors Cassim ouvre tes cadeaux. Il y en a deux. Il y en a deux. Ouais, parce que au premier cadeau, je me suis dit peut-être en prendre un deuxième en sécu. Je dois ouvrir lequel en premier? Ceux que tu veux, mon. D'accord. Fou. Il y en a un qui ressemble à une part de pizza. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors je l'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Mais oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Soirée pizza, le jeu justement. Le jeu soirée pizza, ah voilà. Oui, avec 240 cartes ciné et TV. Ah, voilà. Pour pas faire ta culture. Et je sais que tu as beaucoup d'amis, ouais. Voilà. Et en mangeant des gâteaux bio, vous aimez bien faire des petites soirées pizza bio. Donc voilà. Et, allez, ouvre le deuxième. Il y a des mimes, tu peux trouver le film, des vrais ou faux. On va s'éclater avec ça. Ah, ça fait plaisir. Et j'ouvre le deuxième. Alors c'est le premier que j'ai choisi, celui-là. J'étais sûr de mon coup. Donc ça va être de la merde. Parce que moi, j'aurais kiffé qu'on me l'offre. 1988. Putain, ouais, je dis que je suis né en 1988. Le livre de ma jeunesse. Waouh. Ça, il aime pas du tout. Ah, j'adore, c'est quand, ah ouais. Quand vous recevez un cadeau et que vous faites waouh. Il n'arrive pas à faire semblant. Wow. Je me dis qu'heureusement mes potes sont aussi nés en 1990, comme ça je pourrais 88, comme ça je pourrais leur filer. Non, t'aimes pas. Si si, c'est super. Merci beaucoup. Non mais c'est un livre sur tout ce qui s'est passé l'année de ta naissance et tout. Je trouvais ça super quoi. Ça te rappelle bien que t'es vieux et tout. Alors, t'as 30 ans quoi, tu vois. Allez, et on continuera les cadeaux tout à l'heure. Alice recevra son cadeau, elle offrira son cadeau. Coco aussi va offrir son cadeau. Mais là, je vais offrir le cadeau à Doc. Restez bien avec nous. Et puis, on va accueillir là maintenant sur Fun Radio beaucoup, beaucoup de réactions. On parle de la team matin et de la team soir quand on fait l'amour. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, Doc, avant d'accueillir Flo, Sylvain et Marie, d'ailleurs, on peut leur dire bonsoir. Hein. Bonsoir les amis. Ouais, salut la famille. Bonsoir. Salut. Alors, est-ce qu'il y a un moment particulier dans la journée plus propice pour faire l'amour, Doc ? Non, c'est propre à chacun, ça. Il faut trouver le sien. Ouais. Ce que tout le monde croit, enfin, on va dire que beaucoup, beaucoup de gens croient, c'est que le moment propice, c'est quand on va au lit. D'accord. Eh ben non. D'accord. Quand on regarde dans des couples comment ça se passe, finalement, ça devient vite une habitude. C'est quand même un endroit pour aller dormir. Et c'est le moment d'aller dormir parce que le lendemain matin, on travaille, machin, etc. Donc, c'est pas le moment le plus approprié. Donc, ça peut être au travail, dans un studio de radio, par exemple. voilà. Ça peut être, par exemple, au quotidien. Voilà, tout à fait. Alors, on va accueillir Flo. Bonsoir, Flo. Ouais, salut. Salut, Flo. Salut. T'as fait l'amour aujourd'hui, toi, Flo? Eh non, je suis célibataire. Ah ouais. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que t'as pas fait un truc, toi. Non, ça fait 3 semaines juste. Ah bah ça va alors. On est sur du plan cul, c'est ça, en ce moment? Ouais, ouais, en gros, ouais. Ouais. J'envoie une quand samedi. D'accord. Et tu les trouves où tes plans cul sur Tinder? Non, ben j'étais barman en boîte et là je suis en train de faire la formation de steward, donc des nanas, j'en côtoie quelques-unes quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Putain. Formation de steward. J'adore. Flo, formation de steward. J'ai l'impression qu'il fait juste ça pour soulever des filles. Hein, c'est les montants en l'air. Hein, tout à fait, Flo. Je fais pas exprès, non. Non, pas voilà. Et le barman, c'est pas une légende. Hein, il chope tout ce qui bouge. Bah ouais, carrément, putain, ça bien sûr. J'ai pas arrêté quoi. Et alors, est-ce qu'un barman qui offre un verre, ça veut dire ce que ça veut dire? Ouais. Ok. Bon, moi ça a l'air d'être clair. Voilà. On t'a offert des verres récemment, donc, Alice? Bah écoute, pas récemment, mais c'est vrai que... Mais en même temps, moi je bois pas d'alcool, donc on me dit toujours c'est gratuit. Donc... C'est clair. Alors Flo, team matin, team soir, tu fais quand toi l'amour? C'est quoi Moi c'est le matin. Le matin? Ouais. D'accord. Raconte, ça me pourquoi rend de bonne humeur. Bah tu sais, déjà tu commences la journée, ça te rend de bonne humeur. Déjà c'est une séance de sport aussi, mine de rien. Si ça dépend comment tu le fais, mais c'est un peu sportif, tu vois. C'est un peu cardio. Tu commences la journée du bon pied du coup, hein. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, en plus de ça, les mecs, on a la gaule du matin. Et Faut pas gâcher ça. Quand je me couche, tu vois, j'adore dormir en cuillère quand je suis en couple. Tu sais, en cuillère, je la prends contre moi, ma copine, là, tu vois. Ouais, en gros, j'ai son cul contre moi toute la nuit. Et je peux te dire que le matin, quand je me réveille, je me venge sur elle. Oh. Et le soir, t'aimes pas le soir? Qu'est-ce que t'aimes pas? Petite pipe avant d'aller dormir, pourquoi pas, tu vois. Petite pipe avant d'aller dormir. Ça détend. Il sait vivre à Toulouse, Flo, hein, attention. Non, c'est vrai. C'est vrai que, putain, toutes les occasions sont bonnes. Franchement, Flo, toi, faire ça, par exemple, en plein après-midi, t'aimes moins? Ça dépend si je fais rien, si je suis pas occupé ou quoi, pourquoi pas. D'accord, mais dès le matin, ça te dérange pas? La tête dans le pâté? Non, bah, le matin, j'ai la gaule du matin, donc en avant, tu vois, t'as rien à faire, c'est tout seul, voilà quoi. Voilà, mais c'est vrai que la position de la cuillère, c'est quand même la meilleure position du monde. Hein. Bah oui. Ouais, pour le milieu de la nuit, c'est pas mal aussi. Ah, Doc s'est réveillé plusieurs fois pendant la nuit, j'ai l'impression. Sylvain, toi, c'est quoi, toi? Plutôt le matin, moi, plutôt le soir? Team matin, direct. Team matin aussi, hein, putain. Et pourtant, on pue tous de la gueule, c'est horrible le matin, sérieux. Pas se faire de bisous, après, quoi. Bah, en cuillère, ça va. Pour la journée, après, je sais pas, t'es bien, t'es détendu, t'es relaxé. Ouais? Ah ouais, pour la journée, après, je suis parti. Et puis même si t'as un pote qui galère ou qui a un chien ou quoi, tu peux même pas le narguer. C'est... Genre, t'arrives et tout au boulot, je me suis fait ma meuf ce matin comme tous les matins et là tu narques tes potes, c'est ça, qui sont célibataires. Ah, ceux qui sont en galère, ouais, c'est toujours marrant de les voir en galère. Ouais, bah je te souhaite de vivre ça. Tu verras que tu fais beaucoup de mal à ces gens-là comme moi qui galèrent et qui souffrent en ce moment. Ouais, mais t'inquiète, ça arrivera. J'adore. Mais bien sûr, ça va commencer ce soir. Hein. Je rappelle que Méloche, c'est sa dernière journée de stage et qu'on avait promis qu'elle terminerait son stage en faisant l'amour ce soir. Donc comme personne ne s'est dévoué, c'est moi qui vais m'y coller. Ce sera en live à partir de minuit. sur l'application Fun Radio. Non, je rigole. Alors là, Méloche, non. Non, par contre, ce sera. Alors, on s'est décidé et ce sera avec celui que tu as élu number one de ton cœur dans l'équipe. Ce sera avec Kassim. Non, non, non, pas moi. Non, mais j'ai appris un dos sur Méloche là à l'instant. Vas-y, raconte. Il y a un mec. Si. Il y a un ancien mec qui bossait à Fun Radio qui drague Méloche par texto, mais il a une meuf, donc il faut pas trop le dire, quoi. C'est vrai, c'est qui? Ouais. Bon, il bossait avec nous avant, voilà, c'est tout. Il bossait avec nous avant. Ouais. Il y a genre beaucoup de temps? Un an. Ah non, on va pas dire ça. Ah ouais, d'accord. Bah, tu vois, c'est gênant pour ceux qui écoutent l'émission. Ils savent pas de qui on parle. Là. Donc, il faut le dire. Ouais. C'est qui? C'est l'ancien réalisateur de l'émission. C'est Godefroy, apparemment. Ah d'accord, ok. Bon, alors effectivement, Geoff, on t'embrasse. Je sais même pas qui c'est. Mais Godefroy, ça, il va mourir. Hein. Mais qui c'est Godefroy? Elle va le tuer. Hein. Mais je sais même pas qui c'est. On va te le présenter, Mélo. On va l'appeler. Alors, Sylvain, excuse-nous. Hein, on vit un moment un peu gênant parce que c'est effectivement la personne qui drague Méloche au standard, a priori, est en couple depuis plusieurs années. Hein. Ouais, et puis ça se. Je crois que c'est genre. Sérieux. Match, hein. Ah bah, ils allaient se marier, je crois que ça vient d'être annulé. Voilà. Ah voilà. Sylvain. Briseuse de couple. Sylvain, alors toi tu fais l'amour le matin, c'est important pour toi, tous les matins, il faut que tu le fasses. Nargueur de pote. Ah oui. Bah, quand t'as une histoire à raconter ou t'es juste team matin toi? Ah, team matin direct. D'accord, Marie t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir Marie, team matin, team soir toi? Moi je suis team soir. Team soir. Team un peu tout, mais préférence pour le soir quand même. Ok, vas-y, raconte pourquoi tu préfères le soir toi. Parce que déjà, je trouve ça un petit peu... Bon, alors la laine de chacal, dès le matin, on connaît tous, ok. Ça, c'est la raison, ok. Mais bon, c'est surtout aussi que y a le popole qui m'assère toute la nuit dans son caleçon, etc. Ça ne donne pas trop envie, quoi, en fait. Ah, c'est dégueulasse la façon dont tu parles de la teub de ton mec. Ouais, genre, ça m'assère. Moi non plus, je le ferai plus le matin, ça me dégoûte. Arrête tes conneries. Tu vois, alors qu'après la douche, le soir, etc., ouais, machin, c'est tout. Popole tu dégueu. Sens bon. Voilà, popole, il brille, il est lustré, tu vois. Hey, popole. Bon, c'est bon, mais, je peux y aller, quoi. Arrêtez, munissez-vous d'une petite lingette, nettoyez Popol et puis on y va. Au cédar, ça brille. Non, mais. Alors, Parce que ça veut dire qu'il faut à tout prix la douche avant aussi. Ah, bah ouais, quand même. D'accord. Attends, t'as été faire pipi, t'as machin. Après, tout dépend de ce que tu sais, mais. Enfin, voilà. Pour les préliminaires, on va dire que c'est mieux que ça réutilise, quoi. Pour la spontanéité. Ouais, c'est ça. Après, je pense pas qu'on calcule à chaque fois. C'est le must du must, hein. Voilà, c'est le must des conditions, on va dire, réunies. Ouais, d'accord. Voilà, okay. Le meilleur moment. En plus, tu rentres du boulot et tout. Enfin, tu t'endors direct. Moi, j'aime bien endormir bien rempli, tu vois aussi. Donc, c'est hyper zen pour dormir, moi j'adore. Oh, c'est tout. D'accord. Grave. Alors, donc, t'aimes bien te faire bien remplir, Marie. C'est important. Voilà, hein. C'est une sensation de. Bien pleine. De plénitude, de bien-être. Voilà. D'accord. Et comme il y a le repos du guerrier de l'autre côté, tout le monde s'endort heureux. Quoi. Voilà, et bien voilà, c'est ça. D'accord. Et Marie, c'était déjà arrivé de réveiller ton mec par une petite pipe? Ah, j'ai déjà essayé, mais ils sont violents quand ils dorment. Hein. C'est des coups à te prendre un coup. Je sais pas, ils braillent et tout. Marie se fait gifler la nuit. Ça, c'est un kiff. J'ai déjà pris un coup. Hein. Bien sûr, mais Alice aussi, Méloche aussi. Vous avez toutes été victimes d'une bifle. Alors, j'ai prévu, t'as l'œil au beurre noir parce que le mec, il est retourné, il me t'a mis un coup de coude. Quoi. Non. C'est qu'il doit avoir un sacré matériel, Marie, je pense. Hein. Dans l'équipe, qui est team matin, team soir? Moi, je suis team soir. Alice, team. Je suis plus team soir de base, mais je trouve que le matin, les sensations sont différentes quand même. D'accord. On est vachement plus, vachement plus sensible. Ouais, c'est rien. Mais en plus de la gueule. Ouais. Toi, Doc, t'es team quoi, toi? Team après-midi. D'accord, team après-midi, on sait ce qu'il fait, Doc, maintenant l'après-midi. Kassim? Plutôt team soir. Team soir, ouais. Ouais, d'accord, ok. C'est pour ça que tu réponds jamais à ton téléphone. Très bien. Exactement. Et Coco. Ouais, team soir, même. Team soir, toi? Tous les soirs, après les émissions? Non, ça dépend. Parce que ça dépend si j'ai fait la vaisselle ou pas dans l'après-midi. Ah, et si t'as fait. Attends, et moi, j'aimerais bien savoir un truc. Si t'as fait une bonne émission ou si t'as pas fait une bonne émission, qu'est-ce qui se passe le soir quand tu rentres chez toi? Ah, ça dépend. Alors, en fait, ça dépend vraiment surtout. C'est pas de l'émission parce qu'elle écoute une heure. Donc, ça dépend vraiment de ce que j'ai dit déjà dans l'émission. Ah ouais? C'est pour ça que je me préserve sur la première heure. Ah, et je lâche plus sur la deuxième. Pas, en fait, ça dépend de l'après-midi, si tu veux. Comme je me bats en début d'après-midi, si j'ai pas fait la vaisselle, je reçois un message vers 20h, 21h. et je sais que ce soir je ne coucherai pas. Ah putain. Bah fais la vaisselle mon gars. Je la fais maintenant mec. Méloche, t'es team matin, team sort toi. C'est team, je suis team, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Méloche? Bah, je sais pas. Ah, avant la fin de l'émission, il y aura une surprise pour toi Méloche. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais je crains le pire avec vos surprises, à chaque fois c'est des tanasses. Ah bah tu vas être ravi. Marie, Sylvain et Flo, on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et j'espère que vous allez nous écouter pendant les vacances de Noël. On sera en best-of toute la semaine prochaine. Il y aura les meilleurs moments de Love in Fun, ok? Ok, il n'y a pas de problème. On va se faire plaisir dans un instant. Enfin, quand je dis qu'on va se faire plaisir, oui, parce qu'on va continuer de distribuer les cadeaux de Noël. Mais Hamza, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hamza, 20 ans, Paris. Bonsoir, Hamza. Salut Hamza. Salut. Bon, alors tu vas tester ton mec, toi, Hamza. Ouais, c'est ça. On va faire le dernier sexy chocolat de 2018, les amis. J'espère qu'on va terminer par de l'amour. Hein. Je te le dis tout de suite, Hamza. Alors j'adore vous écouter, mais bizarrement ce soir ça me fait chier d'être avec vous. Bah oui, je peux comprendre. Hamza, tu restes avec nous. Voici UGL sur Fun Radio avec le nouveau UGL. Vous avez été les premiers à découvrir, bien sûr, puisque c'est un DJ Fun Radio dans Love in Fun, 22h minuit en direct tous les soirs du dimanche au jeudi. C'est votre émission. Watching and learning, 'cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ain't looking for drama, promise I'm not gonna compete. So keep on moving, 'cause you got nothing on me. And learning, 'cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? UGL sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Sexy chocolat dans un instant avec Hamza qui va tester la fidélité de son mec, qui va tout nous raconter d'ici quelques minutes. Hein, pourquoi elle a des doutes, pourquoi ce soir elle veut qu'on l'appelle en direct sur Fun Radio. Mais nous continuons la distribution des cadeaux de Noël. Ce soir, l'équipe se fait des cadeaux. C'est Coco du Standard qui va filer son petit cadeau. Ah non, c'est Kassim. Ouais, c'est moi qui lui offre un cadeau. C'est Kassim qui offre le cadeau à Coco du Standard qui ouvre son cadeau. J'ai cramé. Bah oui. J'ai cramé. Ouais. C'est le pire cadeau. Ouais. C'est-à-dire que tu sais ce que Coco a comme cadeau. Yes! C'est bien ça! J'ai jamais goûté. C'est quoi? C'est du vin jaune en fait, c'est du Château de Chalon. D'accord. C'est un super vin, c'est médaille d'or en 2018. Et voilà, c'est pour les puristes. Voilà, c'est pour les puristes. Alors je rappelle que Coco est un passionné de vin, hein, bien sûr. Et j'ai même grillé le cadeau de ma copine. Ah bon? Je sais ce qu'elle va m'offrir, parce que hier soir on s'est pris la tête en fait, et on s'est embrouillé. Elle m'a dit ouais, parce qu'en fait elle sait où j'ai mis son cadeau à elle. Je fais putain, t'as regardé tout le cadeau de Noël? Elle fait ouais, j'ai regardé, mais j'ai jeté un coup d'œil, tu vas m'offrir des baskets. Je fais putain, tu me saoules, je me suis vénère. J'ai fait, il est où mon cadeau? Elle m'a dit, il est dans mon sac. Je suis allé dans le sac, j'ai fouillé, je suis tombé sur le cadeau. Ah, mais non, t'as cherché. J'ai un cours d'œnologie. Ah ouais. Ah putain, tout est à base de vin chez toi. Tout est à base de vin. Ouais. D'accord. Eh ben, avec modération, s'il te plaît, mon coco. Et c'est vrai que au niveau surprise, quand tu gardes le truc Nicolas sur le paquet cadeau. Oui, hein, mais bon, ils m'ont fait un paquet cadeau. Je sais pas faire les paquets cadeaux, donc ils m'ont proposé. Mais t'avais juste envie Nicolas. Ah ouais, hein, mais, oui. C'est plus une surprise. J'aurais dû écrire Pierre à la place. on va accueillir Hamza. Hamza. Oui. Hamza avec nous sur Fun Radio. Hamza sexy chocolat. Alors, dis-nous pourquoi ce soir tu veux qu'on teste ton mec, là, juste avant Noël. Pourquoi t'as des doutes? Raconte-nous. Bah parce que ça fait 2 mois maintenant que je commence à me dire qu'il y a un truc bizarre. Enfin, il est électricien à la base. Donc, oui. Bon, des fois, il va faire un peu de blague et tout machin, rentre un peu plus tard parce qu'il va avoir un petit chantier par-ci par-là, ok. Mais là, ça commence à être récurrent, en fait. Et le truc, c'est que quand on bosse, on est censé gagner de l'argent, chose qu'il ne ramène pas à la maison. C'est-à-dire? Donc, du coup, ça, c'est-à-dire qu'en gros, quand il fait du black, il a toujours un peu de thunes et tout machin. Et là, en fait, à chaque fois, il est en train de pomper sur le compte, en fait, pour pouvoir se payer ses trucs. Et du coup, c'est pas logique quand on se fait au moins 500 euros de black par semaine de devoir. Bon, alors, évite peut-être de dire que ton mec se fait du black. Enfin, Hamza, t'es pas obligé de forcément rentrer dans les détails. On n'a pas non plus envie, tu vois, de savoir ce genre de choses. Tu vois, juste de nous raconter. C'est toi qui me demande c'est-à-dire, donc c'est pour ça que j'explique. D'accord, non mais après t'es pas obligé d'aller jusque là quoi, parce que tu sais que c'est pas légal de faire ça par exemple, donc quand tu commences à dire ça sur Fun Radio, il peut très bien y avoir des gendarmes qui écoutent et qui souhaitent avoir tes coordonnées, tu vois ce que je veux dire? C'est juste par rapport à ça, Hamza. Donc voilà, donc il se fait un petit peu d'argent à droite à gauche, enfin il se débrouille comme beaucoup de monde, et ensuite? Et ensuite, et bah, du coup c'est pas logique qu'il finisse des fois à 22-23 heures sur des petits trucs comme ça. Et puis, il a tendance à tourner le téléphone quand je jette un coup d'œil, pas forcément sur son téléphone, mais quand on est devant la télé, que je regarde ce qu'il fait et qu'il est sur son téléphone et qu'il tourne le téléphone, les messages en douce et tout machin. Enfin, après, je fouille pas dans son portable, je suis totalement contre ça, mais je pense que si je regardais dedans, j'aurais des surprises. D'accord. Bon, écoute, on va lui passer un petit coup de téléphone. On va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. J'espère qu'il va répondre à Hamza. Et est-ce qu'il y a peut-être une autre fille, qui pourrait être un peu lui tourner autour? Bah, je pense à sa collègue à son boulot là, mais je sais pas du tout. C'est qui sa collègue? C'est une nénette qui s'appelle Émilie. Elle est super gentille. En plus, le peu où je la croise, on s'entend super bien. Donc ça m'étonnerait d'elle. Après, franchement, je sais pas. Ça serait logique que ce soit une collègue de boulot, parce qu'à chaque fois, il me parle du boulot. Après, sinon, je sais pas. Ok. Bon, bah écoute, on essaie. Hein, on appelle Mathis en direct. Boutique Sexy Chocolat à Paris. J'ai pas encore fait mes cadeaux de Noël. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à Alice? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. J'entends rien, Michel. Laisse-moi tranquille. Oui, allô? Oui, bonsoir, je parle à Mathis. Oui, c'est moi. Oui, bonsoir, Denis Chaud, la chocolaterie Sexy Chocolat. Je suis désolée, j'ai plus de voix, je suis un peu malade. Mmh. Et qui est vous? Je m'appelle Denis Chon, je suis de la chocolaterie Sexy Chocolat. J'ai passé ma journée au téléphone. Je vous appelle en fait pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous êtes bien Mathis, vous êtes du côté de Paris, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Exactement. Très bien. Bon, bah voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Très bien. Mais alors nous en fait, je suis on pas est forcément intéressé. On est toujours intéressé par un cadeau gratuit, n'est-ce pas? En plus, il n'est pas vraiment pour vous. Je vais vous expliquer. Vous avez une petite amie, une femme à qui faire plaisir, parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un coffret chocolat érotique d'une valeur de 150 euros. Donc ça, c'est juste la valeur, hein, bien sûr, parce que vous n'avez rien à payer. C'est un cadeau. Un cadeau, un cadeau, c'est gratuit. Alors on envoie le cadeau, donc le coffret sexy chocolat à votre petite amie. Vous allez me dicter un petit message, et voilà, ça fera un petit cadeau au pied du sapin pour Noël, puisque là on fait les envois 24h-48h, ce sera disponible lundi au plus tard. D'accord, ok. Est-ce que vous avez une petite amie à qui faire plaisir, quelqu'un que vous avez dans le cœur? C'est pas forcément votre petite amie, ça peut être quelqu'un sur qui vous avez des vues, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez envie de vous marier, peut-être, voilà. Oui, ça m'a l'air d'être très intéressant comme offre, donc ouais, pourquoi pas. Forcément, du coup, hein, on accepte le cadeau, hein, dès que c'est gratuit. Mais il a bien raison. Il a bien raison. Ah ben, on refuse rien à Denis Chaud, la chocolaterie. Je vous le dis. Alors, Mathis, comment s'appelle l'élu de votre cœur, votre petite amie, votre chérie, votre amante, votre doudoune? Ça s'appelle Émilie. Émilie, très bien. Alors, je vais quand même vous dire, hein, dans les coffrets sexy chocolat, on a mis plein de petites choses un petit peu érotiques. Hein, donc, ce sont, voilà, c'est forcément des instruments de plaisir. Hein, on est sur une personne avec qui vous avez des relations sexuelles, sans rentrer dans les détails. Bien sûr, c'est votre vie intime, je comprendrai tout à fait. Oui. D'accord, donc voilà, donc je peux envoyer les menottes en chocolat, je peux envoyer les chouquettes, je peux envoyer... Ah bah, si vous voulez, oui, effectivement. Très ça bien. Te dit, ça te dit des chouquettes, toi, hein? Ah ouais, bah, ça l'attend, t'as plus de ça, donc... Ah bah, vous êtes avec elle. Ah bah, c'est super. Ah bah, écoutez, vous êtes avec Émilie, là, c'est ça? Oui, elle est loin, elle est pas très loin, elle va pas tarder à partir. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, c'est super. Bah, je vais vous passer ma responsable qui va prendre les coordonnées de la petite Émilie. Oui, pas de souci. Je vous la passe tout de suite. Oui. Voilà. Allô? Allô? Alors, je vais t'expliquer. C'est moi, c'est Hamza. Là, t'es sur Fun Radio. On vient de te piéger en direct et en plus de ça, t'es avec Émilie. Je vais pas m'énerver parce que ça en vaut pas du tout la peine. Je veux juste mais te dire. Mais c'est parce que, comment t'expliquer? Non, mais en fait, je te dis juste qu'il y a rien à expliquer. Ça faisait déjà plusieurs semaines que je me doutais de quelque chose. Il y a rien à douter. Il y a rien du tout. Il se passe rien. Mais me prends pas pour une conne. J'ai entendu tout ce qui vient de se passer en fait. Ouais, non mais alors attends parce que là, je suis désolé Hamza, mais Mathis a presque réussi à me faire rire quoi. C'est-à-dire non mais c'est pas du tout ce que t'imagines. Enfin si, c'est tout ce qu'on imagine. Mathis, tu viens de parler à Émilie, tu viens de nous dire en direct voilà que t'avais des rapports sexuels avec elle puisque je t'ai même posé la question. Donc là, à un moment donné, tu viens de te faire piéger. Mais c'est qui toi en fait? Je te connais pas. Ben je me présente, je m'appelle Karel, t'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun, je suis avec un médecin sexologue. Bonsoir. Et avec Alice. D'accord. En plus, Hamza, voilà. t'as osé appeler la radio en plus de ça? Bien sûr. Et toi, tu oses me tromper, ça te choque pas? Eh ouais mon gars. Mais ouais, mon gars. Attends, je mais suis y a encore pas de libre attends, de faire ce que je veux. Non, t'es ça pas fait libre. Des mois, ça fait plusieurs mois que je me doute de quelque chose. T'as même pas les couilles de me dire que t'es malheureux avec moi plutôt que de me dire, écoute, mais ça va pas, on arrête là, tu me fais du mal. Qui t'a dit que j'étais malheureux avec toi? Bah, j'en sais rien, mais pour que t'ailles voir ailleurs, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part, non? Pas forcément, non. J'ai donc, le droit en fait, t'es juste un chou lapin, quoi. Ben, j'ai le droit de temps en temps de ah oui, mais je suis tout à fait d'accord, écoute-moi bien. Comme, tu as le droit toi, absolument de faire ce que tu veux. Moi, la seule chose que je te demande, c'est de pas me faire souffrir. Et ben pourtant, tu l'as fait. Voilà. Donc maintenant, les choses vont être très claires. Tu veux t'envoyer en l'air à droite, à gauche. Ben moi, c'est pas mon délire. Je suis pas libertine, moi. Tu peux pas faire ce que tu veux. Si t'es avec moi, tu me respectes. Tu couches qu'avec moi. Je veux pas dire qu'on s'appartient parce que c'est pas du tout ça mon truc. Mais c'est un minimum de fidélité. Ce que tu n'as même pas envers moi, en fait. Tu vois, j'arrive pas à m'énerver, j'arrive pas à pleurer. En fait, c'est limite si je suis même pas déçue parce que du coup, en fait, je m'y attendais. Et au final, je pense que si tu t'y attendais, pourquoi t'es pas venue directement m'en parler? Mais j'ai essayé de t'en parler. À chaque fois que je te pose une question de ce que tu fais sur ton téléphone, t'es même pas honnête alors que t'es en train d'envoyer des messages à Émilie. Enfin, moi, j'ai envie de dire à Émilie aujourd'hui, je lui en veux pas parce que c'est pas elle qui a fait la faute. Enfin, je lui en veux pas, j'irai pas lui péter la gueule du moins, mais franchement, vous avez aucun respect, que ce soit pour vous-même et même pour moi. Enfin, tu peux juste être honnête ou ça te bouche le cul? Je suis honnête envers toi, j'ai toujours été honnête envers toi. Ah bah non, parce qu'à partir du moment où tu t'envoies en l'air avec une nana qui te rend ta collègue de travail et que tu me sors des excuses en disant je travaillais, je faisais machin, plutôt que de me dire bah écoute, je m'envoyais en l'air avec Émilie, j'appelle pas ça de l'honnêteté. Mais de toute façon, si je te l'avais dit, moi, et en plus de ça, comment mais si tu me l'avais dit, je t'aurais quitté plus tôt, ça aurait été clair. Mais écoute-moi bien, si tu tiens vraiment à moi, en aucun cas, t'aurais voulu me faire du mal. J'ai des doutes envers toi. Et Hamza, comment retourner la situation? A priori, Mathis a des doutes envers toi. Mais comment je peux savoir que toi, t'es pas allé voir ailleurs? Mathis, c'est ridicule. Mathis, t'es ridicule. Tu profites de la situation. Franchement, t'as déjà bien de la chance que Hamza le prenne comme ça et qu'elle soit calme et qu'elle t'en mette pas plein la gueule. Donc, aie au moins le respect de l'écouter. et de la respecter de quand elle te parle de ça. De toute façon, d'assumer. À un moment donné, tu ne pourras jamais façon, savoir si elle est voir à droite ou à gauche. De son côté, alors comme ça. On n'est pas de son côté. Écoute-moi deux secondes. De toute façon, tu ne pourras jamais savoir si j'étais à droite ou à gauche. Moi, je suis droite dans mes bottes, je sais que j'ai rien à me reprocher. À partir du moment où tu n'as pas confiance en moi, tu n'as rien à faire avec moi. Point barre. Donc si tu avais des doutes, si c'est une excuse que tu me sors ou quoi que ce soit, on n'avait rien à faire ensemble depuis le début, en fait. Maintenant, tu m'as fait souffrir. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même si jamais t'es triste ou quoi que ce soit de excusez-moi, je vais être vulgaire, mais de plus pouvoir me taper dedans, et ben c'est bon, c'est plus mon problème maintenant. Et du calme, tu jouissais bien quand je te tapais bien dedans, hein. Donc ah, mais ça j'ai va jamais dit le contraire, j'ai jamais dit le contraire. Non, mais Mathis, t'as pété un câble ou quoi? Non, non, mais écoutez, laissez-le partir dans ses délires de mec macho, hein. Machin et tout machin. En attendant, ça reste un connard infidèle, et en plus de ça, un menteur. Donc à un moment donné, si t'estimes que t'as rien à te reprocher, et ben va taper qui tu veux, quand tu veux, mais oublie-moi, point barre. Voilà. Okay. Bravo, bon, Hamza. Bah, bravo. Salut, au revoir. Et puis. À bientôt, ouais, Mathis. Peut-être à bientôt. Et juste au passage, voilà. Parce que franchement, tu le mérites, va te faire foutre. Voilà. D'accord, passage. Super. Et bah, c'est réciproque. Salut, bonne soirée. Ciao. Allez, ciao. Au revoir, Mathis. Bah voilà, ça se passe comme ça devait se passer. Alors, t'es au bravo, top, Hamza. Vraiment, bravo. Franchement. Ouais, ouais. Allez, alors, ça va pas être facile. Je vais te dire, Hamza, on commence, hélas, à avoir un petit peu d'expérience sur les réactions. Une fois que t'as été piégé, quoi. Mais bien et sûr, alors, lui, mauvaise foi, quoi. Pour le coup, Mathis, il a essayé de les faire tout à l'envers à pas chaque cool. fois. Pas cool. Et tu sais, retourner la situation pour finir par t'en mettre plein la gueule, pour te dire mais moi j'avais pas confiance en toi non plus. Ah, ça et toi, va, t'as été droite, t'as été claire, t'as été hyper diplomate avec lui. Franchement, en plus t'as pris des pincettes et t'as pris sur toi alors que ça doit être une situation extrêmement compliquée. Mais je pense que forcément là, la déception prend le dessus sur la tristesse et l'énervement. Mais t'auras probablement un contre-coup là dans la soirée, dans les heures à venir. Donc, prends soin de toi. Et puis, si t'as besoin de parler, nous, on est là, on est connectés sur les réseaux sociaux et tout. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci. J'irai pleurer un coup, ça va aller mieux. Et puis, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui. Paraît-il. Tu peux tourner la page maintenant et passer à autre chose. Gros bisous. Là, non seulement je vais la tourner, mais je vais surtout la déchirer et la brûler, celle-là. Bon courage, Hamza. Prends soin de toi pour les fêtes merci de fin d'année. Merci à vous, d'année, là. Une bonne toi bien bisous. De ta famille. Salut, bisous. Hamza. Salut, et bisous, merci dans beaucoup. Un instant, on va jouer l'exam Love in Fun. On va faire une spéciale Team Love in Fun ce soir. Il y aura des questions pour savoir justement si vous connaissez bien l'équipe de Love in Fun. 01 42 48 5000 dans un instant sur Fun Radio. Vous jouez avec nous. Il y a le mini drone à gagner. Et on va revenir avec Kenny Silva. Fine Day, on est en direct jusqu'à minuit, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Nouveau son Fun Radio. Feder. When I'm with you, I lose control. Criss Cross Amsterdam. Les meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël. Oui, mais pas que. Ah, mais là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah, bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah, c'est toi, Adrien. Ah, cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun. Sur funradio.fr. Fun Radio, c'est la famille. Avec nous tous les soirs sur Fun Radio Love in Fun pour nous appeler le 01 42 48 5000. Dans un instant, il y aura la battle. La battle Love in Fun, c'est une spéciale ce soir. En fait, c'est pour savoir si vous connaissez bien l'équipe. Parce que c'est vrai que souvent, on parle un petit peu de nos histoires. Hein. C'est vrai qu'on se dit tout dans cette émission et vous parlez de votre vie comme on parle de la nôtre aussi. Donc, tout à l'heure, des petites questions. Si vous pensez bien connaître l'équipe de Love in Fun, avec Alice, avec Doc, même avec Méloche, Coco du Standard, Cassim, n'hésitez pas. 01 42 48 5000, on vous offre un mini drone à gagner. En attendant, on continue la distribution des cadeaux de Noël. Allez, Coco, ouais. Coco est appelé. Oui, Coco, bonjour, est appelé, oui, à la distribution des cadeaux. Transforme-toi et mets ton habit de Père Noël, Coco. Voilà, Méloche, c'est mon cadeau. C'est le cadeau pour Méloche du Standard. Et on a peur pour Méloche parce que, à vue de nez, comme ça tout à l'heure, ça avait l'air d'être un pack Love in Fun. Hein. Alors, bah, déjà, ça commence bien, il y a des boules. Pardon. Les boules de Coco, voilà. Les boules de Noël, Fun Radio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des boules encore. Des capotes. Des capotes. C'est très important. C'est cynique un peu. Non, mais il m'a mis un pack fun, le mec. Ça m'a tout l'air d'un pack fun. J'ai mis du Fun Radio. Qu'est-ce que c'est ensuite? Des lunettes, un bonnet, Fun Radio. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Un tour de cou. Un tour de cou. Bruno dans la radio. Un tour de cou. Bruno volé des trucs. Il a volé des trucs dans les autres. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pour le jour où je ferai du sport. Tu sais, c'est les trucs que les tennismen ils ont. Ah d'accord, ok, pour les. Mais Coco et pour la sueur. Tout ça, c'est gratuit. D'accord, ok. Ensuite. Ah, trop chou. Un volet du Racing Club de Strasbourg. Ça c'est Coco. Des petites surprises avant, il crée le doute. Mais il est dans le spectacle, Coco, à chaque fois. Il avait pensé à ça, bien sûr. Exactement. Bravo Coco. Merci. Mais là je suis contente. Merci. Hein. Ouais, et ben voilà. Et ben ça fait plaisir. Et on joue à la battle. Allez, ouais, c'est parti. La battle. Love in Fun. Sur Fun Radio. C'est la battle. Ce soir, nouvelle battle. Et nous accueillons nos deux candidats. Sont-ils des fidèles parmi les fidèles? J'espère. Virginie est avec nous. Bonsoir Virginie. Bonsoir la famille. Bonsoir Virginie, elle a 25 ans, elle est de Saint-Étienne. Bonne fête de fin d'année à toi Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous aussi. Virginie ce soir face à Adrien, 23 ans d'Arras. Bonsoir Adrien. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Bonsoir Adrien, fidèle auditeur aussi. Tu connais bien, tu penses bien connaître l'équipe toi Adrien? Bah je pense, ouais on verra bien. Virginie, tu penses mieux connaître l'équipe qu'Adrien? Mais oui. Mais... J'adore. Moi, je vote Virginie alors, ce soir. Alors. Déjà, oui, on peut choisir la personne. Ah, j'ai mon petit poulain. C'est qui ton petit poulain? Team Virginie. Cassim, t'es team quoi, toi? Adrien. Team Adrien, Coco. Ouais, team Adrien. Coco, Méloche. Virginie. Mais Doc, ouais, Virginie, Doc. Ouais. Doc, t'es pour qui, toi? Pour Virginie ou pour Adrien? Adrien. Oh, qu'est-ce que... Évidemment, je suis pour Virginie, la future gagnante. Ah ouais, alors, Virginie. Voilà comment ça va se passer. Virginie va t'éclater, Adrien. C'est une évidence. Alors, voici comment ça va se passer. Il y a 6 questions. Six questions, puisque nous sommes 6. Hein. Alors, on n'a pas mis Clara en question, puisque Clara, vous la connaissez un petit peu moins. On en parle souvent, mais elle est très... C'est la plus importante de l'émission. Ah oui, c'est celle qui travaille le plus. Très mystérieuse. Et elle est mystérieuse. Et elle s'occupe de toutes les créas que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. Et dans le studio aussi, c'est tout ça, c'est Clara, une artiste à part entière. Oui, c'est ça. Si vous êtes connecté là sur le site de Fun Radio ou sur l'application, vous pouvez voir Karel dans une position très bizarre. Et c'est finalement Clara qui cadre ça. Voilà. Absolument. Mais je viens de me repositionner. Voilà. Alors, on y va. Il y a donc 6 questions. Vous attendez bien les 3 propositions à chaque fois. Et c'est celui qui donne son prénom le plus rapidement qui peut donner sa réponse. En cas de mauvaise réponse, bien évidemment, il lui aura un droit de réponse. Très bien. De quand date la dernière branlette de Cassim? 3 propositions. 48 heures, une semaine ou 30 minutes? Adrien, t'as été le plus rapide, on t'écoute. Hier. Non, il n'y avait pas la réponse hier. Donc, droit de réponse de Virginie. 48 heures, une semaine ou 30 minutes? Connaissant Cassim, je dirais 30 minutes. 30 minutes, c'est une mauvaise réponse. Ah, ça commence mais ça aurait mal. Pu. Franchement, ça aurait pu. Ça aurait moi pu, aussi, ça j'aurais dit 30 minutes. Pu. Virginie, tu le connais bien. Parce que franchement, ouais, il aurait pu. Tout à l'heure, il avait l'air un peu essoufflé. Mais on était en émission. Pas à la radio quand même. Ouais, 30 minutes, on était là quand même. Donc c'était il y a 48 heures, c'était il y a deux jours. Il y a 48 heures, la dernière masturbation de aucun point. Cassim. Doc est médecin. Vous le savez tous. Mais quelle est sa spécialité? 3 propositions. Est-ce qu'il est anusologue, sexologue ou pédiatre? Virginie. Sexologue. Sexologue, c'est une très bonne réponse. J'ai connu un pédiatre pas très sympathique. Alors, je ne suis pas réincarné, non. Eh ben voilà, et Doc est sexologue. Alors, c'est donc un point pour Virginie. On continue. À quel âge j'ai fait ma première fois? 15 ans, 17 ans ou 32 ans? Adrien était plus rapide. 17 ans. Bonne réponse d'Adrien. C'est serré. Quel est l'animal préféré d'Alice? Est-ce que c'est la loutre, le chat ou comme je suis poisson, le poisson? Adrien. Virginie. Ah oui, Virginie. Le chat, bonne réponse. Petit chat. De Virginie, 2 à 1. C'est bien ça, hein? Oui. 2 à 1. Pour Virginie. On continue. Question un petit peu plus compliquée. Ouais. Comment s'appelle le papa de Coco du Standard qui débriefe à chaque fois son zap de Coco qui aura lieu ce soir d'ailleurs dans quelques minutes? Est-ce que c'est Mimi, Clo-Clo ou Dodo? Adrien. Virginie. Adrien, plus rapide. Clo-Clo. Clo-Clo, bonne réponse. Bravo. De partout. Facile, musique de suspense. Oh là là, quelle horreur. Nous rentrons dans la dernière question. Adrien est trop stressé. Oh là là, quelle horreur. On a l'impression qu'Adrien y participe à qui veut gagner des millions. La question à 1 million. C'est ça. Oh mon Dieu. Et forcément, c'est une question sur Méloche du Standard. Depuis, et on en parle régulièrement dans l'émission, depuis combien de jours Méloche n'a pas fait l'amour? 3 propositions. 603 jours, 604 jours ou 606 jours? Adrien. Virginie. Adrien. 604 jours. Virginie. Merde. 606. Bravo! Je pourrais écouter 15 fois cette réponse de Virginie qui dit 606. 606. Elle est géniale, Virginie. Bravo. Putain, elle le savait tellement. Mais bien sûr. Elle a tout suivi. Elle a noté sur le calendrier, Virginie. Ah putain. Elle m'a refait pour la soirée avec son 606. Bravo, Virginie. Victoire. Bravo. De Virginie. J'en étais sûr. Je savais. Et Adrien, t'as pas démérité, mais t'as perdu, t'as chié. Oh, bravo, non. Virginie, bravo. T'as été super. T'es la meilleure, Virginie. Et Virginie, c'est l'émotion ou tu pleures? Non, je pleure pas. Elle rigole. Ah bah voilà. Et bah Virginie, un grand moment encore avec toi. Merci beaucoup d'être Merci avec beaucoup. Nous. Et Virginie, tu repars avec, bien sûr, ton mini drone qu'on va t'envoyer à la maison. Tu connais la poste, hein, tu l'auras l'année prochaine. Hein, mais... Ouais, mais en tout cas, on va t'envoyer ça le plus rapidement possible. On vous fait des gros bisous à tous les deux. Merci, bonne fête beaucoup. De fin d'année à tous. Salut. Bisous. Bonne fête, Merci, gros bisous. Gros bisous, les amis. Et gros le zap bisous. De Coco, c'est dans un instant sur Fun Radio. Coco qui nous a réservé un nouveau zap, ça va se passer comment dans un instant, Coco? Eh ben le dernier 2018, grosse surprise. Grosse surprise, d'ici quelques minutes, restez avec nous. Moi je reste. Doc, tu restes? Oui. Il n'a pas le choix, il est payé pour. Voici Kenny Silva sur Fun Radio. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, la la la. Kenny Silva sur Fun Radio. Love is fun. Love is fun. 22h minuit. Sur Fun Radio. Et c'est le moment des deux meilleures copines. Oui. Ah, j'attends cette petite funradio.fr pour voir les images, bien sûr, hein, puisque c'est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les cadeaux dans l'équipe qu'on s'offre, et puis il y a l'histoire d'amour entre Clara et Alice, quoi. Hein. On aime les mêmes trucs, tu vois. C'est vrai, elles se sont rencontrées. J'ai l'impression qu'elles ont des affinités. Elles vont finir ensemble, ces deux-là. Non, je pense pas. Alors, en plus, j'adore parce que Clara est près du micro. Alors, Clara ne parle pas souvent dans le micro, mais quand elle parle, on s'en souvient. Ça va, Clara? Oui, ça va. Ah, elle a fait des progrès. Elle a fait des progrès. Je suis trop fière d'elle. Parce que la première fois qu'elle a parlé à l'antenne, on a entendu un... Voilà. Alors Clara a tiré comme par hasard Alice et Alice comme par hasard a tiré Clara. Destin. Dis donc, c'est là que je vois que ma vie a changé parce que l'année dernière j'avais eu la chance d'avoir tiré Alice. Enfin voilà. Vous avez compris. Ouais, c'est ça. Alors petite distribution de cadeaux, oui, c'est qui commence? Alors moi je vais ouvrir le mien. En plus Clara elle a pris le soin parce qu'elle est quand même incroyable hein, de le faire dans une magnifique belle boîte. Bien sûr. Donc je l'ouvre, mais c'est super bien emballé. Une boîte en velours, ok, d'accord. Je sors mon cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Oh là là, c'est mais, super attends, beau. C'est, oh, mais c'est suremballé et tout. Déjà, le paquet cadeau est beau. Sans déconner. Bien sûr. Pour aller avec tes éventuelles futures baskets. Ah, alors, ça sent le lacet. Tes éventuelles futures baskets. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Je vois des flamants roses. Oh, alors ça c'est trop mignon. Ah, c'est un elle est set. Oui, mais c'est trop mignon, c'est un set en fait de pinceaux pour maquillage en forme de petits flamants roses et de petits ananas. Oh, c'est tout ce qu'adore Alice. Voilà. Mais oui, c'est voilà. Trop mignon. Ah bah, mais faites un cadeau avec Alice, contente. Il faut qu'il y ait des ananas. Ah mais j'adore, c'est trop mignon et je vois qu'il y a d'autres petits cadeaux dedans mais je les ouvrirai hors antenne. OK, on OK, OK, à Clara, non, on comprendra pas. À Clara d'ouvrir son cadeau. Tu sais c'est des cadeaux entre filles, des cadeaux entre elles. Elle s'offre des petits badges, des petits pins. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Qu'est-ce que c'est ça, Clara? Un sac Harry Potter. Un sac Harry Potter. C'est ça. Et il est chambé le sac. Hein. Il y a des trucs dedans. Il y a plein de petits cadeaux. T'es contente, Clara? Oui, je suis contente. Eh ben voilà. Faites-vous un bisou, les filles. Joyeux Noël. C'est trop mignon. Sur la bouche. Là. Allez, sur la bouche là. Et touchez-vous les seins. Oh, vous êtes malade, franchement. Ah, franchement, mais moi aussi, je ne me supporte plus. Vivement les vacances. On va vous laisser tranquille. Ah bah non, on est là la semaine prochaine en best-of. Bah oui. Ah oui, et puis là maintenant, il y a le zap de coco. Ah bah alors là. Le zap de coco. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun et le zap de coco. C'est Coco du standard, à qui on a donné une rubrique dans l'émission. C'est une rubrique qu'il avait en 2018. Ouais. Mais l'aura-t-il en 2019? Pas sûr. Allez, c'est parti Coco pour ton zapping. Alors, je mets toutes les chances de mon côté, Karel. Oui. Je veux revenir en 2019, alors je souhaite te dire à combien je t'aime, combien tu es beau, combien merci. Tu es le meilleur. Et c'est vrai parce que tu restes rationnel dans toutes les situations. Tu sais, quand on parle de femme fontaine, vous savez, celle qui trempe les draps pendant l'orgasme, et bien lui, il pense qu'une femme fontaine, c'est comme à Lourdes. Tu jettes une pièce et hop, miracle. Et on peut mettre des pièces dans ton vagin pour faire des vœux. Ah, parce que c'est Trévise, c'est ça. C'est à Trévise. Oui, c'est ah bah voilà, fontaine de Trévise. Fontaine de Trévise. Tu t'en rappelles, hein? Ouais, je m'en souviens bien, ouais. Ah ouais. T'avales encore hein, les dernières gouttes. L'émission, des fois, elle dépasse le concept même de la radio. Ouais. Tu sais, et tout le monde se lâche. Alors moi, je vais dire tant mieux, hein, tu me diras, parce qu'on apprend des choses assez sympas sur vous, notamment sur Doc et ses pratiques sexuelles. Alors il est pas contre le fait de se faire sucer l'orteil, quoi. Hein. Ouais, le kiff. Ah oui, je trouve ça très bien, mais après, voilà. Ok. Eh ben, ça dépend des partenaires. On va regarder tes pieds différemment, Doc. Moi, je me suis dit que toi, comme il aime bien sucer les orteils, ça m'a donné une idée. Ouais. Prochaine vidéo YouTube. Pourquoi on fait pas un truc Facebook Live en direct, toi? Genre, Doc suce l'orteil d'Alice en direct. Alors, alors là, tu rêves. Allez, on fait des vues. Ah, mais non, c'est pas personne possible. Me touche. Voilà, merde. C'est ça. Ah merde, allez, bon, Karel. Tu nous racontes aussi ton premier orgasme. Alors d'après toi, c'était limite ta bite en érection, tu sais, c'était le piton de la fournaise. Moi j'étais en train de me pougner et tout machin, et à un moment donné j'ai senti putain que ça montait, et là l'explosion, je m'en t'ai foutu plein la gueule. Ah, plein la gueule. Et ça faisait longtemps. Ah bah, c'était la première fois. Et ce qui fait encore plus longtemps, et ça je peux pas vous souhaiter de bonnes fêtes, un joyeux Noël, sans faire un dernier épisode. La Doute Story revient. L'histoire d'amour entre Karel et Alice, alors pour faire une métaphore, ça ressemble à Roméo et Juliette. Même si on est plus proche de La Belle et la Bête. Hein. En vrai, c'est quoi? C'est Karel qui prend constamment des retours par Alice, Sauf cette semaine, la magie de Noël a modifié le cours des choses. Karel, ouais. Tu l'as fait. Tu veux sortir avec moi, ça veut pas dire tu veux m'embrasser. Je veux bien, Alice. Voilà, tu me poses la question, enfin, ça y est, tu te déclares, ça ne me dérange pas. Voilà, on y est. Voilà. Karel va enfin la tirer, quoi. Hein, les malentendus. Ah, les malentendus. Tout est bien entendu ici dans le Zap de Coco. Love in Fun, c'est la famille. Et il existe vraiment une communauté Love in Fun. Et les auditeurs sont tellement attachés en fait à nous qu'ils pensent même à créer des catégories porno en fonction des animateurs de l'équipe. Ah ouais? Et notamment une pour Doc. Une catégorie de vidéos porno commençant par la lettre P. Papy. Ah, oui, ça c'est bon, voilà. Ça. Tu peux retrouver Jeanne d'Arc, tu peux retrouver Mireille Mathieu, la même catégorie, quoi. Putain, hein, Doc, il est jaune, tu sais. J'assume complètement. Et pour finir, on va clôturer les apps de Coco en 2018. Alors, je vais en profiter pour faire une fin spéciale Méloche. C'est la fin de son stage. Oh, et donc, elle nous quitte. Ouais. Elle nous quitte pour retrouver son Alsace natale. Ah oui, elle habite à Hirkirch. Pour ceux qui ne situent pas très bien à Hirkirch sur une carte, vous imaginez une belle paire de fesses. Eh bien, Hirkirch, c'est au mieux. Voilà, c'est le trou du cul du monde. Hein, on ne peut pas aller plus loin. Mais Méloche nous laisse avec de bons souvenirs et des révélations lourdes. Notamment quand elle nous parle de son habitude de se mettre des doigts dans le cul. Mais genre, je sais pas, ça vous a jamais gratté le cul? Ah, mais c'est, en fait, c'est genre ça te grattait et après tu sentais tout. Ouais, ou même, je sais pas, des fois pour voir si c'est propre, quoi. Oh, voilà. Dégueu, hein. Oh, bah, flamène quiche à vous. Flamène cuche. Flamène couche, ouais, voilà, flamène cuche. Bah, quiche. Mais Méloche nous laisse avec de bons souvenirs et des révélations lourdes. Ah non, ça j'ai déjà fait. Voilà. Mais Méloche, c'est quoi? Méloche, c'est 600 jours d'abstinence, une relation secrète avec Greg, l'animateur du midi 16h, une phalange de l'anus, de franches rigolades et surtout une phrase mythique. Ferme ta gueule, Méloche. Sur ce, je me casse en vacances. Bon week-end et à l'année prochaine. Bisous, Coco. On va vite appeler le papa de Coco du Standard. Je rappelle que c'est le papa de Coco du Standard qui décide si oui ou non son fils reviendra pour faire un Zap de Coco version 2019. On appelle tout de suite Clo-Clo. Peut-être avec Marie Clo-Clo, là, ce soir, Clo-Clo. Bonjour, Clo. Putain. Allô? Oui. Allô? Clo-Clo? Oui, bonsoir. Oui, c'est. Salut. C'est Karel. Ah, j'ai bien reconnu, hein. Ça va, Clo-Clo? Très bien, très bien. Les vacances de Noël arrivent. Je vais peut-être voir mon Coco bientôt. Ah, ben oui, bah, il est content. Il a encore une bouteille pour Noël. Ah bon, on va la boire, il va l'ouvrir. Ça fait plaisir. Clo-Clo, qu'est-ce que t'as pensé de ton fils ce soir? Ce soir, très bien. D'accord. J'ai trouvé très bien, il peut revenir pour 2019. D'accord, ok. C'est tout, pas de critique, tout était parfait. Non, ce soir, pas de critique, c'est Noël qui arrive, faut pas que je critique tous les jours. Ah bah voilà, et comme c'est Noël, Coco, c'est ton cadeau, tu reviens en 2019, yeah, bravo. Clo-Clo, oui. Un jour il faudra le reprendre, hein. Parce que bon. Non, je vous le laisse. Ça y est là, on a déjà fait quelques mois là avec lui, on n'en peut plus, hein. À la fin de l'année, on te le renvoie, hein. Ah bah moi j'ai fait 22 ans avec lui, ça me suffit. Hein. Salut mon Clo-Clo, embrasse Marie Clo-Clo. Salut. Salut et joyeuse fête. Joyeux Noël à toi aussi, bonne fête de fin d'année à tous. Oui Clo-Clo. Et un petit salut pour le Doc. Salut Doc. Salut. Eh ben voilà, vous faites des trucs ensemble, qu'est-ce qui se passe? Merci. Non, pas encore. Ah, pas encore. Ni avec Marie Clo-Clo. Ah ouais, ça sent le plan à trois avec Marie Clo-Clo. Allez hop là. Qu'est-ce qu'il dit Clo-Clo? Ah, il dit rien. Il dit rien. Et dans l'équipe, vous avez pas oublié le cadeau à Clo-Clo? Ah bon? Bah pourquoi, c'était prévu? Ah oui, bien sûr. Alors on va le donner à ton fils qui va te le donner, d'accord? Ah bien, parfait. Voilà, ah, on va lui filer des capotes. Allez, salut Clo-Clo. Et on va tout de suite accueillir Alexandra, 23 ans de Nîmes. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bonsoir Alexandra. Il s'est passé un truc ce soir? Non, c'était il y a quelques jours en fait. Je me suis séparée de ma copine en fait, entre guillemets. Oui. Et du coup ça s'est pas très bien passé et j'aurais eu besoin de vos conseils. Ok, tu restes avec nous, on va t'aider et on va en parler tous ensemble sur Fun Radio. On sera aussi avec Jason qui vient nous raconter une histoire d'anus poilu. Vous bougez pas, c'est Love in Fun jusqu'à minuit. Voici Gaolin, Moonlight, Fun Radio. Moonlight. Sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. 22h minuit. Sur Fun Radio. Et depuis 22h, c'est une émission un petit peu spéciale. Émission spéciale Noël, la dernière de Love in Fun avant les vacances de Noël. Franchement, on vous souhaite que le meilleur hein, pendant ces vacances, d'être régalé au niveau des cadeaux. C'est une période un peu particulière. Hein. Franchement, la période de Noël. Et c'est l'occasion de se réunir avec ses proches hein, et justement de fêter Noël, de se sentir bien. Et nous, on se sent bien dans cette équipe. C'est pour ça qu'on a décidé de s'offrir des petits cadeaux. Là, c'est au tour de Méloge du Standard qui va offrir le cadeau pour Doc. Je t'en allez, prie, Doc, ouvre allez. Ton cadeau offert par Méloge. Yeah. Ah, cool. Qu'est-ce que c'est, Doc? Voilà. Ah oui, alors on fait de la radio, Doc, et du coup, il va falloir dire ce que c'est. Alors, c'est un sweat à capuche gris avec le logo NASA. Ouais, j'ai l'impression que Doc pensait qu'on faisait de la télé. Depuis le début. Là. Il montre à la caméra. Bah oui. Non, mais oui, je sais qu'on est filmé. Pour les gens qui sont en streaming. Voilà, mais ils sont. La plupart, ils nous écoutent. Hein. Non, mais alors, en plus, elle l'a très bien décrit. Pull NASA. Pull de la NASA. Ah putain, et t'as une affection. À capuche en plus. Ben ça, tu déchires. Plus, franchement, avec ta petite merci. Capuche, moi j'aurais aimé tomber sur Méloche, hein, je vous le dis. Mais j'ai aimé tomber sur Jérôme. C'est le mec qui s'enfonce et tout. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Fun Radio. On vous régale avec du petit cadeau. Et Alexandra, 23 ans de Nîmes, qui nous rejoint. Alexandra, pour qui tout ne va pas bien. Hein. Si j'ai bien compris, tu t'es embrouillée avec ta copine, c'est ça? Ouais, alors en fait, c'était pas vraiment ma copine. On entretenait une relation. C'est pas très clair. Et on se voyait, enfin on a travaillé dans les clubs de vacances. On s'est beaucoup vu à la fin de la saison d'été, puis entre l'intersaison. Elle est repartie en saison d'hiver à la montagne, et moi pas. Et j'ai passé une semaine de vacances avec mes potes juste à côté de chez elle, là où elle bosse. Puis je suis allée la voir, et en fait j'étais allée dans le but donc de passer quelques jours là-bas, de mettre les choses au clair, de lui dire voilà, c'est pas parce qu'on est loin qu'on ne peut pas être ensemble. Et moi j'ai envie de plus, j'ai envie qu'on soit plus que ce qu'on est là. que l'on mette vraiment une étiquette sur ce qu'on est. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir, le premier soir, on a fait une soirée, on a bu. Moi, j'ai beaucoup trop bu. Et en fait, on s'est pris la tête à cause d'une autre fille qui lui avait fait du rentre-dedans quelques jours auparavant. Et en gros, elle me l'avait bien fait comprendre que cette fille-là lui avait fait du rentre-dedans. Et elle a fait un peu la meuf, ouais, je sais pas, je suis pas très sûre, peut-être que j'irai, peut-être que j'irai pas. Et on s'est pris vraiment, c'était la première fois qu'on se prenait la tête comme ça. Et en fait, le lendemain, elle m'a dit, bah, va-t'en, tu comptes pas pour moi. T'étais juste un plan cul, je veux plus te parler, je veux plus te voir. Et depuis, bah, je suis partie, je suis rentrée chez moi, du coup, et depuis, plus rien, en fait. Et j'aurais aimé, bah, voilà, avoir vos conseils, parce que c'est une situation qui est assez délicate. Parce qu'on avait, on entretenait vraiment quelque chose comme une relation. Ouais. Et en fait, bah, au final, je me retrouve avec quelqu'un qui est pas du tout cohérente avec ce qui s'était passé juste avant, quoi. Qui dit l'inverse, quoi. Et est-ce que tu t'es peut-être trompé sur elle? Parfois on pense que ça va super bien avec quelqu'un et puis au final dès qu'il y a un truc qui va plus, ben personne te zappe. Bah ouais, bah je sais pas si, ou alors bah du coup en fait avant de partir, du coup je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, que bon, pour moi elle comptait, que j'avais, que je commençais à avoir des sentiments pour elle, tout ça. Et j'ai été face un peu à un mur, elle a pas changé de discours. Et elle voulait pas trop l'entendre, quoi. Et du coup, ben, c'était un peu délicat. Ouais, la situation était délicate. Et j'aurais, bah, voulu avoir, bah, vos avis, peut-être l'avis d'autres personnes qui auraient peut-être déjà vécu ça. Est-ce que je dois la laisser? Toi, tu te sens amoureuse? Ben, je sais pas si c'est de l'amour, parce que ça ne fait pas très très longtemps. Mais en tout cas, c'était intense. Enfin, surtout quand on est enfermé comme ça dans les endroits où on travaille, où on vit, en fait. Sur notre lieu de travail, tout ça, avec des gens qu'on voit tout le temps, pendant des mois, ça décuple, les sentiments sont un peu décuplés. Et du coup, ben, je sais pas si je suis amoureuse, mais en tout cas, je suis fortement attachée à elle. T'as déjà été amoureuse avant? Ouais, j'ai déjà été amoureuse avant. Ouais. D'accord. Et tu vois une différence? Ça ressemble à peu près à ça? C'est dans ton sens? Ça aurait pu tourner vers beaucoup de sentiments amoureux, ouais, très fort. Ouais. En plus, on partageait beaucoup les mêmes valeurs. Les mêmes idées, on avait beaucoup de choses en commun, donc voilà. Après, tu disais aussi que la soirée où vous avez discuté, vous étiez particulièrement très alcoolisées toutes les deux. Ouais, surtout moi, plus qu'elle même. Mais tu as essayé de la recontacter? Enfin, je veux dire, là tu dis que t'as plus de nouvelles, mais t'as essayé de l'appeler, non? Non, bah en fait, depuis qu'on s'est expliqué que je suis repartie de là où elle bosse, depuis, non, on a pas échangé. Imagine qu'elle réfléchit exactement de la même manière que toi, c'est-à-dire qu'elle pense exactement comme toi, mais elle aussi, elle t'a pas appelé, quoi, tu vois. Je veux dire, ça se trouve, vous pensez toutes les deux la même chose et vous ne vous appelez pas. Ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait une au moins qui fasse le premier pas. Donc, si c'est pas elle, c'est peut-être toi, tu vois. Grave. Parce que là, vous êtes bloqué, vous vous parlez même plus, donc il faut avancer là-dessus. Ouais, mais après, elle a été claire dans ce qu'elle m'a dit. C'est que je vais te dire un truc, Alexandra. C'est typiquement le genre de conversation qu'on connaît par cœur. C'est-à-dire que on va te dire quelque chose et tu vas nous dire oui, mais tu vois, il va toujours y avoir un truc. Ouais. Là, c'est ton cœur qui saigne, tu te sens pas bien à cause de cette relation que t'as vécue avec elle, et il faut absolument que tu l'appelles, il faut absolument que t'aies des nouvelles. Au moins que tu saches où est-ce qu'elle en est, elle, tu vois? Bah, elle avait l'air confuse parce que c'était pas la première fois qu'elle remettait en cause ce qu'on vivait, parce que comme on n'avait pas d'étiquette en fait, du coup c'était pas évident. Moi c'était la première fois que ça m'arrivait d'entretenir une relation comme un couple mais sans le mot couple. Et en fait, le lendemain où on s'est embrouillé, le matin, enfin, quand on s'est expliqué, elle me dit, non, moi, t'étais juste un plan cul, tu comptes pas pour moi. Mais en fait, avant ça, elle me dit, tu manques, elle m'envoie des cœurs tous les jours, on s'envoie des textes tous les jours, on s'appelle tout le temps, comme si on était en couple. Mais en fait, le lendemain, elle me dit l'inverse. Alexandra, là, il faut voir maintenant où elle en est. Il y a eu, ça a daté d'une semaine, c'est ça, la conversation? Ça date là, il y a deux jours. Deux jours. Ah, bon, il faut voir 48 heures après, tu vois. C'est, bien sûr, il y a le temps de réflexion, les choses se posent, voilà. Bon, ça peut attendre demain ou après-demain, c'est pas le souci. Mais voilà, il faut voir maintenant où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle pense, etc. Et puis surtout que toi, tu lui parles de toi, c'est-à-dire de toi tes sentiments, de toi ce que tu ressens. Et elle se positionnera. Toi, il faut que tu lui dises, voilà, moi je sens que j'ai des sentiments. Amoureuse, pas amoureuse, c'est pas le problème de mettre un mot dessus. Mmh. Cherche pas obligatoirement à rentrer dans une case, hein, être en couple, pas en couple. En tout cas, c'est de dire moi je sens quelque chose pour toi et j'ai envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, c'est toujours comme ça, malgré ce qui s'est passé et malgré ce que j'ai dit. Et soit, il faut être clair, soit on continue et on avance, soit on s'arrête là pour que toi aussi tu puisses avancer vers autre chose. Ouais. Et elle aussi d'ailleurs. Bien sûr, Alexandre. Et au moins que ce soit clair sur ça s'arrête complètement ou on avance. T'as compris ? Ouais. Voilà Alexandra, je veux dire de toute façon si on peut pas l'appeler on n'ira pas plus loin, vraiment c'est des histoires comme ça qui sont voilà qui te remuent, il s'est passé quelque chose, tu peux pas rester sans nouvelles, donc tu l'appelles, t'as envie de savoir, tu lui dis ce que tu ressens, elle te dira et puis tu verras bien, c'est comme n'importe quelle relation que t'as avec quelqu'un, s'il y a une affinité ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est juste ça. Ok, bon courage. Merci. En tout cas, c'est gentil de m'avoir reçu, merci beaucoup. Salut Alexandra. Comme ça, vous êtes au top. Merci. Salut Alexandra. Salut. Et on prend des nouvelles à la rentrée d'Alexandra pour savoir justement si ça l'a fait ou pas. Et on va accueillir Jason, 25 ans de Paris. Bonsoir Jason. Salut. Salut Karel. Salut Jason. T'appelles pourquoi toi ? Moi, parce que je suis tombé sur un truc un peu spécial. Je suis tombé sur une meuf qui avait un peu des poils là où elle devrait pas avoir. Là où elle devrait pas en avoir ? Ah bah, sur son anus. Ouais. Ah bah, alors je crois que les femmes ont des poils sur l'anus comme n'importe bien quel sûr. Être humain. Hein. C'est ça. D'accord. C'est juste que parfois elles se font ce qu'on appelle le sillon interfessier. Restez avec nous. Voici Robin Schulz, Speechless sur Fun Radio. Robin Schulz sur Fun Radio, Speechless. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio et ça fait maintenant presque 24 ans, un petit peu plus même, que vous pouvez donner justement voilà, vos propositions sur la fameuse photo Instagram qu'on vous a postée sur, sur Love in Fun, où je suis accompagné de Doc et de Alice et je suis complètement passionné par mon cadeau de Noël. C'est ça. Et il s'agissait de ton nouveau téléphone portable. Absolument. Un Huawei. Est-ce que Karel est content? Il a eu un nouveau téléphone portable. Ouais. C'est son petit cadeau de Noël. Ah bah, c'est, je me le suis fait tout seul. C'est ça qui est bon. Et vous avez été très nombreux donc à commenter cette publication en proposant toutes sortes de choses, hein, comme la culotte de Coco, les sous-vêtements d'Alice, l'humour de Kassim, les boules de Noël, une crotte de nez. Vous avez été nombreux aussi à proposer un portable, un nouveau smartphone. Mais c'est Tom qui a été le premier. Donc il a été contacté directement sur Instagram. Donc Tom, tu nous envoies tes coordonnées. Par mail, hein, on vous a mis le mail directement en commentaire. Oui, je l'ai contacté directement. Donc voilà, le grand gagnant, c'était bien un téléphone portable. Eh bien voilà, bravo en tout cas à lui. Juste avant de retrouver Adrien Thomas pour Party Fun, on a Jason, 25 ans de Paris. Alors Jason, à qui est arrivée une histoire incroyable, hein, c'est plutôt, j'ai l'impression que Jason ne savait pas que c'était possible. Jason, que t'est-il arrivé? Dis-le-nous. Bah, il y a quelques temps, j'avais rencontré une meuf par le biais d'une copine et tout, et du coup, bah, on s'était revus quelques temps après, bah, le lendemain d'ailleurs, et du coup, donc ce fameux soir-là où je suis allé chez elle et tout, il m'est arrivé un peu un truc de ouf, c'est que au moment de, bah, donc on a passé la soirée ensemble, tu vois, tout s'est bien passé et tout, on a regardé un film machin et elle m'a fait le coup du film d'horreur, elle m'a mis un film d'horreur à la téloche et genre elle avait peur, donc elle est venue vers moi, tu vois. Et donc bon, bref, on a commencé à se rapprocher et tout. Et à ce moment-là, bah, il y a eu des caresses, machin, nanana. Et donc, après, au moment de l'acte et tout, bon, je vais te raconter un peu, genre, tu vois, ma position préférée, moi, c'est la levrette. Donc, je la mets en position et tout. Et là, je vois, genre, face à moi, des walpes. Des poils. Ouais, la meuf, elle était poilue, quoi. Elle avait des poils au cul. Alors, ouais, voilà. Alors, je vais te donner une info. C'est le cas de toutes les filles. Non, pas toutes. Bien sûr que si. Non, après, après, il y en a. Pas, j'ai pas de poils à cet endroit-là. Hein. Pas 100%. Bien, non, pas toutes les filles. Après, si tu. Attends, excuse-moi, j'ai quand même une sacrée expérience. Non, mais c'est vrai. Ça vient souvent. Non, souvent mais il y a des poils. Il y a des poils à ce niveau-là aussi. Il y a au moins le duvet, de toute façon. Mais à quoi ça sert? À quoi? À la même chose que chez toi. Ah, bah oui, mec, Jason, non mais c'est vrai que ça tient chaud, ça aide à ventiler. Ouais voilà, mais c'est une zone épilée la plupart du temps. Bah, chez la plupart des filles. Au moins rasé. Ouais, voilà. Il y a certaines filles qui l'épilent et souvent en fait ça vient avec les années parce que bah tu t'épiles mal. Les filles s'épilent n'importe comment avec le rasoir. Hein, je vais faire ça à l'arrache et du coup tu rases tes petits duvets qui se trouvent à cet endroit-là et qui se transforment bah en vrais poils quoi. Donc faut faire attention. Ouais mais enfin bon tu vois, elle était bien rasée de partout et tout et pourquoi elle a pas descendu. C'est comme ça. Est-ce que toi, tu t'épiles l'anus? Je m'épile pas, mais. Voilà, alors. C'est la team cul poilu, mon gars. Ah, voilà. Eh ouais, Jason. Tu l'as bien trouvé, toi aussi, t'as le cul poilu. Elle s'en déconne. Et tu sais quoi, c'est avec une belle transition comme ça qu'on va dire au revoir à Méloche. Méloche qui a été avec nous. Forcément, ça parle de cul. On arrive sur le sujet de Méloche. C'est le dernier jour de Méloche ce soir. Bah oui. Et Méloche qui nous a payé une petite raclette. Franchement, on voulait te remercier, Méloche, d'avoir été avec nous. C'est sur cette musique triste que nous allons dire pas des trucs comme ça. Au revoir à Méloche. Non, mais vraiment, c'est la fin de ton stage, Méloche. On tenait de la part de toute l'équipe à vraiment à te remercier pour ces quelques mois où tu nous as accompagnés avec voilà tout ce que ça sous-entend. Hein, c'est des moments de radio, des moments forts et voilà des moments qu'on a été très heureux de partager avec toi. On voulait encore te remercier. On va t'applaudir, Méloche. Pour avoir été avec nous. Bravo Méloche. Bravo Méloche. C'est bon, bravo. Elle pleure. Ah, ça va. Tu vas nous manquer Méloche. Allez, on n'aime pas ces moments-là, donc vive la fête, vive la vie. Alors on va se retrouver bien sûr à la rentrée. On revient quand? Le 6. Le 6, ouais. Le 6 janvier. Ça fait 2 semaines de vacances. La semaine prochaine, on sera en best-of. Pendant toutes les vacances de Noël, on va pas vous abandonner. On va être là, voilà, avec les émissions et avec les meilleurs moments de Love in Fun. Ce sera justement l'occasion pour vous de réentendre tout ce que vous avez préféré dans l'émission, tout ce que vous avez kiffé justement pendant toute la semaine prochaine. Nous, on va partir en vacances. Moi, je vais retourner en Bretagne. Doc, lui, va partir du côté de Los Angeles. Alice, tu vas à Metz? Ouais, c'est ça. Bah, j'étais contente, mais maintenant, quand je passe après Los Angeles, je me sens vraiment sûr, comme une conne. C'est sûr, Doc. Enfin, voilà. Ça viendra à ton tour. Voilà, ouais, Doc cumule les métiers, les médecins. Enfin, voilà. C'est ça, forcément, le business is business. Tu vas où, toi, Kassim? Je vais en Ardèche. D'accord. Et Coco, tu vas où, toi? À Dijon. Et toi, Méloche, tu repars à Strasbourg, manger de la knack. À Strasbourg, à manger de la knack. C'est quoi ça, de la knack? C'est les grosses saucisses de Strasbourg. Ah, bah, comme les knackis. C'est les petites saucisses. D'accord, ok. Vous savez quoi? On termine là-dessus. On va accueillir Adrien Thomas. Bonsoir, Adrien. Il y a de la vitesse ce soir. Bonsoir. Je vois la génération 90. Il y a du t-shirt. Voilà, on est prêt. C'est DJ Mast que je reçois pour la deuxième fois ce soir dans l'émission, qui est Thomas et qui fait une tournée qui cartonne en France. C'est plus de 150 dates, c'est ça, à l'année? Thomas, ouais, c'est ça, si exactement. Ouais, bonsoir. Hein, voilà. Bonsoir. Donc, alors, j'ai été à une de ces soirées. C'est vrai? Absolument. Ça du côté de Pléneuve-Val-André. À côté de Saint-Brieuc, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Voilà. Bah, ouais. C'est à côté de Pléneuve-Val-André. Ouais. Et je suis allé à une de ces soirées parce que j'étais avec mes potes et tout. Et on s'est fait la soirée années 90 et tout. Et on s'était vraiment éclaté. Voilà. Tu t'es pas fait rocal? J'ai quand même mes entrées vers mes terres. Hein, c'est bien. Quand je reviens chez moi, j'ai même parfois le droit à une petite course gratuite. Ça, c'est sympa. Ouais. Et le petit Coca Zéro gratos, ça fait plaisir. Et ben voilà. Et ben en tout cas, voilà, vous allez vous éclater là. Tu vas passer quoi comme son ce soir? Tu peux nous dire un peu ou pas? Ouais. Alors surtout du son dance des années 90, du coup, donc du Gala, du FL65. Tu vas écouter. Tu vas dans ta voiture, tu vas écouter. Tu vois, ça va envoyer quoi. Ah ben voilà. Super. L'époque où t'as démarré quoi, finalement. Ah bah franchement, là, c'était. Tu peux m'insulter, tu peux m'insulter. Non, mais pas du tout. Non, moi je suis plutôt années 2000 quand même. Pas 90, non. T'as jamais annoncé Corona sur Fun Radio? Ah non, jamais. Non, mais j'ai dansé avec Corona, mais ça c'est une autre histoire. Je te raconterai ça en 2019, le jour où elle a voulu m'embaucher comme nouveau danseur professionnel. Ah ben ça va être sympa. Sur ce, joyeux Noël à tous et on se retrouve dimanche pour le best-of. Non, à l'année prochaine. Ah non, dimanche on est là pour le best-of. Mais moi je te vois que l'année prochaine. Donc ah ben à l'année prochaine alors. Allez, salut, faut partir maintenant. Open your eyes for a new reality.